Fou 89.1 FM. 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. David Ferron nous jouera de la bonne musique. Je vous en passe un papier avec sa carte bleachée. Et Marie-Christine Perra se remplira de petites bouchées. Je vous en passe une napkin dans Gratin et Vin Gratuit. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce lundi 9 novembre 2015, 169 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania, ça va? Hey, ça va bien. Oui, on dirait qu'on descend d'une dizaine à chaque semaine. Je sais, hein? Mais c'est pas vraiment le cas. As-tu passé une belle fin de semaine, Mathieu? Oui, pas pire. Toi? Oui, pas pire. Ouais, hey, je me suis commandé des affaires sur Internet en fin de semaine. Ah ouais? Ah, tu sais, je t'ai dit que je magasinais une cafetière fancy. Oui. J'ai peut-être pesé sur le bouton sans faire exprès. Oh non. Pour l'acheter. Mais tu l'as acheté? Oui, c'est ça. OK. Toi? Moi, ben, je pense que j'ai laissé ma fin de semaine au fond d'un shooter de tequila. OK. Puis des yeux bleus de quelqu'un. Oh, boy. Colin, c'est donc bien des détails sur ta vie privée. Que je sais, hein, je viens de lâcher ça comme ça à la radio, moi, matin. Je trouvais que les miens étaient impertinents. Les tiens sont juste... Croustillants. Croustillants, exactement. Mais félicitations, les points, le pointage est combien dans ta... moi, je gagne tout le temps. Ah, d'accord. Super. Ben, c'est juste ça qu'il faut souvenir. C'est ça. Je sais pas à quel jeu on joue. Au jeu de la vie, vraiment. Au jeu de la vie. Ouais. Et voilà. Aujourd'hui, l'émission, Tania, on a plein de choses de prévues pour vous. On a à 8h30 David Ferron qui va être là. Oui! C'est sa carte bleachée. Il nous parle de musique du monde, de musique en général, un peu n'importe quoi. On sait jamais trop avec les semaines qui suivent. Un peu d'impro de la part de David, la plupart du temps. Un peu d'improvisation, oui, de sa part. Il nous parle pas d'improvisation. Ouais, non, c'est ça. Il nous sort des personnages... improvisés, quoi. C'est ça. Trop de détails, comme toi. Ouais. Trop de détails. Ben, moi, je trouve que j'en donne encore moins que lui, là. C'est vrai. Mais on l'aime, David, on l'aime. On l'adore. ses beaux yeux bleus, hein? C'est pas les yeux bleus dont je parlais, c'est par pas, exemple. C'est pas leur jeu. C'est à 9h, Marie-Christine Perra. Et son segment gratin et vin gratuit nous fait le survol des arts visuels en Mauricie. Elle nous dit où sortir, quoi manger, quoi boire lorsqu'on se rend à ces vernissages-là. Et puis, il y a des petites crudités, des petits... Il y a rarement des crudités, en fait. Rarement des crudités. Des sont craquelins. Pas, des craquelins, des petits craquelins. Ça a commencé par cr. C'est comme le bruit des criquets quand je fais une mauvaise blague. Même chose. Ce que je suis pas capable de faire. Moi non plus, comme tu peux le voir. À 8h, tantôt, dans quelques minutes, tu vas nous faire ta chronique à toi. Tania is gonna be Tania. Qu'est-ce qui s'en vient? On parle de films et de séries télé ce matin. Oh! Oui. Soudainement, je me sens interpellé. Ouais, ben peut-être. C'est pas comme ton anecdote de début d'émission tantôt. C'était plus zéro senti interpellé, je zéro. Savais. Zéro. Alors, on va commencer avec cet effet dans quelques instants. Mais avant ça, une pièce de Marie-Pierre Arthur. Cacher l'hiver. Ah ben, quand même. Parce qu'on veut pas qu'elle arrive. Non. Va-t'en. Retourne dans ton trou. C'est ça. Te semble toujours trop loin. Si tu pouvais au moins me dire ce qui s'en vient. Est-ce que le meilleur déjà passé derrière, je me couche avec la peur de te voir m'y faire. M'inventer l'histoire. Get down. Quand tu sais, je disais 20, c'est devenu 10 avec le temps. Ouais, c'est ça, j'aurais dû savoir. Les secondes qui restaient. Hey, tantôt, rappelle-nous le titre de la future chanson de France d'amour. C'était quoi déjà? C'est terrible. Je me rends compte que ce que j'ai dit, ça a une tournure vraiment mal si on le prend au deuxième degré. Ben, explique-le d'abord. Mais la nouvelle tune de France d'amour. Moi? C'est j'ai laissé mon week-end dans le fond, dans les yeux bleus de quelqu'un. Et dans le fond, d'un verre de tequila. Dans le fond, d'un shooter de tequila. C'est ça. On s'en rappellera pour toujours. Tania, ça, là, c'était une vérité infuse de ta fin de semaine. Ça, c'était peut-être trop d'informations à y repenser. Peut-être. Et ça nous amène à C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. À quand le duo avec France d'amour sur cette chanson thème-là de C'est un fait? Hey, ça va être dans le top palmarès. Ça manque de guitare, cette intro-là, je trouve. Ah, c'est vrai. Commençons par, c'est un fait pour commencer, c'est la claque des choses véridiques, véritables et vérifiables. Pour ceux qui suivent pas l'émission régulièrement, faut vous le rappeler un peu. Et on commence avec des montres intelligentes. On sait que le futur s'en vient quand tout le monde commence à avoir des montres intelligentes sur leur poignet. Toi, t'aimes ça, hein, les montres intelligentes? Oui, j'aime ça. C'est cher. Un jour. Un jour. Un jour. Donc, savais-tu que la première montre intelligente était de Hewlett-Packard dans les années 70? Ah ouais, je savais pas. C'est pas ça. Donc, la HP-01 a fait son entrée en 1977. On pourrait dire que c'est la première vraie montre intelligente. Bien sûr, ça venait pas avec un écran couleur ou une connexion LTE, là, mais quand même. Hewlett-Packard disait que le produit était une montre électronique numérique. C'est ça. Une calculatrice personnelle. Une alarme. Un chronomètre. Minuteur. Calendrier de 200 ans. Et encore plus. Ouh! Très impressionnant. C'était capable d'emmagasiner et de se souvenir d'informations lui permettant un petit peu d'être un agenda. Mettons. Donc, il y a une publicité qui disait que, tu pouvais avoir le numéro de téléphone de quelqu'un affiché sur l'écran LCD pour te rappeler d'appeler ta femme, mettons. Comme une bonne vieille pagette. Comme une bonne vieille pagette. Ben, si on veut, sauf que la femme pouvait pas t'appeler pour te laisser... Ah non, téléphone. C'est sûr. Fait que tu te mettes une alarme pour te dire « Rappelle-moi d'appeler ma femme à tel numéro. » Malaise. C'est un petit peu compliqué, un petit peu compliqué. Donc, à la place d'avoir un écran tactile, il fallait faire ses calculs sur un clavier à 28 boutons. Avec des touches tellement petites que ça demandait un stylet qui était dans le côté de la montre. Les stylets existaient déjà? C'est ça, oui. Les bouts de plastique existaient déjà, incroyablement. Mais c'est ça, t'as une montre tout petite et t'as un stylet à côté. C'est terrible. Et tu viens un petit peu de perdre l'idée d'avoir un aussi petit appareil. Donc, oui, mais là, on est en 77. Même des excuses. La HP-01, donc, a mené, évidemment, a été discontinuée en 1979, surtout parce que ça coûtait 695 $. Mais les gens qui veulent se rappeler des souvenirs, ou même des souvenirs d'avant leur naissance, peuvent aller sur eBay. Mais c'est pas moins cher, hein? Tant que ça, c'est pas mal les mêmes prix aujourd'hui. Ah ouais? Vu la rareté. Mais je m'en vais te dire, tu penses que ça vaut combien aujourd'hui, mais si tu me dis que c'est les mêmes prix. On peut aller voir en ça ce veut moment pas même tant que ça. Sur eBay.com, en ce moment live, lundi matin, 9 novembre, 7h44, c'est 829 $ américains. Et ayant acheté quelque chose sur Internet en dollars américains en fin de semaine, m'a dit que c'est pas mon affaire, mon tête. Mais non, hein. Des fois, ça t'en rend pas compte, mais trop tard. Une protéine maintenant, on change complètement de domaine. Une protéine nommée TRPM8, TRMP8, comment on l'appelle. C'est ce qui fait que ton cerveau pense que quelque chose est plus froid que ce l'est vraiment, par exemple la menthe. Ah ouais? Donc tu mâches une gomme, une menthe, une peppermint, mettons. Une peppermint. Et tu te dis, mais Colin, que l'air est froid. Ben c'est un truc, un tour que la menthe et ce qu'elle a de chimique à l'intérieur, donc le menthol, c'est un tour qui joue sur votre cerveau pour vous convaincre et convaincre en fait vos récepteurs de goût qui sont exposés à du froid. Donc c'est ça s'appelle TRPM8. J'irai pas dans les détails de ce que ça veut dire parce que je comprends absolument rien de Subfamily Member 8. Ah non? Est-ce que t'es fanatique de science assez pour savoir ce que ça veut dire? Pas vraiment. Non, c'est ça. Donc, c'est ça, le menthol s'attache au TRPM8, et puis c'est ce que ça fait. Hein? Surtout quand tu parles de l'eau froide après. Fait que c'est créé par le menthol. Créé par le menthol, qui s'attache au TRPM8. Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily and Member 8. Ah, tu vois, comme ça? C'est pour ça que je l'avais pas... J'ai tout compris. Là, ça, c'est clair. Mais ça s'attache à la menthe. Ah! Ensuite... les livres. Oui. Les livres, des fois, on pourrait se dire qu'ils sont en train de disparaître. Qu'il y en a de moins en moins, les livres. Es-tu d'accord avec ça? Ben... Est-ce que t'allais éternuer? Oui, je m'en ai éternué. Mais... J'aurais aimé vivre ça, live. Ça aurait été drôle, là. Mais non. Mais on dirait que je suis comme un peu 50-50 sur cette idée-là que ça disparaît. Est-ce que t'aimes les livres électroniques? J'ai jamais lu un livre électronique. Donc, t'es par défaut du côté papier? Oui, par défaut, je suis du côté papier. À voir ma bibliothèque aussi, je suis du côté papier. Ah oui? T'as beaucoup de livres? Oui, quand même. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc, une compagnie française qui s'appelle Short Edition aimerait amener de la littérature de qualité devant les lecteurs, mais de format qui peut être lu entre deux choses électroniques, entre deux affaires vraiment rapides que t'as à faire. Donc, okay. C'est situé à Grenoble, en France. C'est 8 machines distributrices de lecture qui sont situées dans 8 des espaces publics les plus populaires de la ville. Donc, ça s'appelle en fait Short Edition, avec un accent aigu sur le E, parce que les Français sont de même, tu sais. Donc, on peut sélectionner les histoires, les petites nouvelles, j'imagine. Une 3 puis 5, là. Comme une nouvelle, comme un texte court, et non pas comme une nouvelle d'information. Bref, entre 1, 3 ou 5 minutes pour une lecture rapide, c'est la solution parfaite pour passer votre temps à la place d'aller sur votre cellulaire et embarquer dans d'autres choses, puis manquer ton train, ou peu importe. C'est juste assez pour... Oh non! Donc, Christophe Sibieux, le fondateur de Short Edition, et Éric Piolle, le maire de Grenoble, sont les gens derrière cette nouvelle technologie d'édition. Donc, l'idée leur est venue en regardant une machine qui contenait des barres de chocolat et des boissons. Ils se sont dit, ce serait vraiment bien si on pouvait distribuer la littérature. Ah! Lors de moments peu productifs. Voilà. Je suis d'accord. C'est une bonne initiative. Tout à fait. Maintenant, je te conseille, Tania, de prendre tout de suite par message texte un rendez-vous avec ton boss. Hé! Tout de suite là. Là? On n'est pas supposé fonctionner avant 10h du matin. Ah ben, Moses! Et c'est ce qui fait que ta vie va peut-être moins bien qu'elle pourrait aller. Elle va mal! C'est ça. On sait ce que c'est, l'alarme sonne, on appuie sur snooze comme 3 fois, et c'est super gros de la torture de sortir du lit. Il y a une raison pour laquelle on sent comme ça. Selon un chercheur de l'université Oxford, Dr. Paul Kelly, se réveiller avant 9h du matin est biologiquement peu naturel. En fait, Dr. Kelly, oui. Hein. Ça fait des années que je le dis. Ben, c'est ça. Hein? C'est l'histoire de notre vie, ça, là? C'est l'histoire de notre vie. Se lever à ce temps-là. Donc, Dr. Kelly a découvert que forcer les employés à commencer de travailler avant 10h du matin peut créer des maladies, du stress et de l'épuisement chez les employés. Oh boy! On a tous ces symptômes. Tellement. Et Dr. Kelly dit que la plupart des adultes manquent de sommeil. Avant l'âge de 55 ans, les rythmes circadiens des adultes sont complètement désynchronisés avec les heures de travail de 9 à 5, ce qui pose une menace évidente à la performance, l'humeur et à la santé mentale. Il croit que qu'on devrait changer sur la planète au complet les heures de travail pour se synchroniser avec nos rythmes circadiens. Pour y aller avec notre rythme naturel, on dit qu'on devrait commencer à travailler à 10h du matin. Un étudiant de 16 ans devrait commencer sa journée à 10h et un étudiant à l'université devrait débuter à 11h du matin. Bon. Eh ben. Dr. Kelly croit que changer les heures d'école augmenterait les notes de 10%. Ben, on va essayer ça. On pourrait essayer. Si seulement on avait le loisir de choisir. Ouais, c'est ça. C'est ça. En plus de ça, le manque de sommeil affecte la performance de façon négative. Ça affecte aussi l'attention et la mémoire à long terme. Ça mène à de l'angoisse, de l'anxiété, gagner du poids, une haute pression sanguine et plus encore. J'ai toujours su qu'il fallait dormir beaucoup plus longtemps que ce qu'on dort. C'est ça, mais la vie est pas faite de même. Surtout depuis qu'on anime. Surtout depuis le matin, exactement. Puis dites-vous que l'émission a beau commencer à 6h30, une chance qu'on commence pas littéralement à 6h30. Ouais. Une chance qu'on commence juste à 7h30 puis qu'on fait semblant avant. T'imagines si on commençait vraiment à 6h30? Ou 6h comme les vrais, ou 5h30 comme aux États-Unis, ou 4h30 même. Je serais comme debout à 4h le matin. Ça a aucun sens. Si l'émission commençait à 4h30, tu serais debout à 2h du matin. Ouais. Si on calcule correctement, ce qui n'est pas le cas. Ben non, parce que là, je me lève à 5. Tu te lèves à 5 pour 7h30. Tu as besoin de 2h30, c'est exactement ce que j'ai dit. Si tu commençais à 4h30, tu commencerais à te lever à 2h du matin. C'est ça. En tout cas, les Américains... Je me croiserais dans le corridor, sûrement. parce qu'il était encore debout à cette heure-là avec ses shooters de tequila et les yeux non, c'est pas ça que j'insinuais. D'accord. on reste sur le travail. Les Américains travaillent 137 heures de plus par année que les travailleurs japonais. OK, 137 heures de plus, 260 heures de plus par année que les Britanniques et 499 heures de plus par année que les Français. Ah, mais là, les Français, ils font quoi? Ils travaillent pas? Travaillent moins. Et ça, c'est selon un site qui se nomme 20somethingfinance.com. Vous pouvez aller lire l'article qui est sur assemblagerequis.com. Me semble être une source fiable. Ça m'a l'air. Il y a une foire annuelle. Merci de faire confiance à mes sources. Il y a une foire annuelle de la tarentule où les participants doivent juger les tarentules comme des chiens dans un dog show, les spectacles canins. Les participants sont jugés sur leur poil brillant, les proportions qui sont correctes, leur comportement actif et leur pose. En 2014, l'événement a été vu par plus de 30 000... visité par plus de 30 000 tarentules et leurs propriétaires. Mais c'est dégoûtant. Je sais pas s'il y a un public pour ça. Ben, j'espère pas. 30 000 tarentules, t'as le feu là-dedans. Hey, wow, là. Ça presse. Je sais pas si ça va faire effet. T'irais voir ça, t'as un show de même? Non, jamais de la vie. Bon. Tu fais. Moi, je dis pas de faire brûler les propriétaires, juste les tarentules. Ah, juste les tarentules, OK. C'était confus. Toi pis tes histoires confuses aujourd'hui. Hey, faut que ça soit plus clair. C'est l'histoire de ma vie. C'est ça. Rod Serling, créateur de Twilight Zone. Oui. Tu connais Twilight Zone? En français, c'est genre... la quatrième dimension, quelque chose du genre. Chose comme ça. Hein. Bref, Rod Serling, créateur de Twilight Zone, parlait tellement dans la vie, c'était un grand parleur, que lors d'une balade en voiture qui durait 2 heures, le reste de sa famille est resté silencieuse pour voir si Rod allait remarquer leur manque de participation. Il ne l'a pas remarqué, il a parlé tout le long. Hey, mais on en connaît tous un comme ça, hein? Quelqu'un qui n'arrête jamais de parler. Oui, jamais. Le Mathieu Plante de votre vie, peut-être. Mais t'es pas si pire que ça. Non, je suis pas si pire. Je fais juste remplir les trous. C'est ça. Oh! Louche! Bon. Cet effet sonore-là était particulièrement louche. Exactement. Il y avait un signal, en fait, plusieurs signaux. Oui. Qui rendaient les astronomes complètement fous. Pendant 17 ans, ils n'arrivaient pas à trouver d'où venait ce signal-là. Finalement, ça a été tracé. C'était le micro-ondes de leur observatoire. Mais non! Oupsie! On a oublié quelque chose. Ben c'est ça, le chocolat chaud dans le micro-ondes à tous les jours. C'est dans la fusée, mettons, ou comme dans... C'était dans l'observatoire, donc j'imagine sur Terre. Ah, mon Dieu! Ouais. En 2004, les autorités ont découvert un cinéma complètement fonctionnel dans les catacombes parisiennes, équipé avec un restaurant qui fonctionnait complètement, là, un restaurant bien normal, un bar complètement rempli, des équipements de projection. 3 jours plus tard, lorsque la police est revenue accompagnée d'experts du Electricity Board, là, les gens qui surveillent l'électricité, les fraudes de tout ça, donc français, pour voir d'où venait l'électricité pour le cinéma. La ligne téléphonique et les lignes d'électricité avaient été coupées et une note était sur le milieu du plancher disant « N'essayez pas de nous retrouver. » Bah! C'était un cinéma underground, c'était une cachette. Fait peur, ça. Des catacombes. Mais ils se sont fait pogner. Et les petits Moses. Une chance qu'il y avait 3 jours pour s'en remettre puis déménager de là. Peut-être oui. Ailleurs dans les catacombes, on sait pas. Ben peut-être. On sait pas où ils se sont retrouvés. Tu connais le film Gladiator? Oui. Gladiateur en folie, en français, je pense. Oui, c'est ça. Donc, une suite à Gladiateur montrait Maximus, en fait, une suite, c'est un script pour une suite, ça n'a jamais été fait. Okay. Donc, montrait Maximus en train d'être réincarné par les dieux romains. Ensuite, il revenait à Rome pour défendre les chrétiens contre la persécution. Et ensuite, il était transporté dans d'autres périodes de la vie, comme la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam. Et finalement, il devenait un général au Pentagone. Il a été rejeté, le script, parce que c'était trop impossible. Ben, je suis un peu d'accord, là. Ça devenait un petit peu science-fiction. Ouais, on s'entend-tu? Mais c'est cool. Si tu réussis à avoir le même acteur... Tu penses qu'il y avait une machine à voyager dans le temps? S'il était réincarné par les dieux romains, peut-être que les dieux romains pouvaient l'envoyer partout dans l'histoire. Ah, peut-être. Qu'on ait plus de pouvoir qu'on le pense. Peut-être. On, étant pas... Ça existe pas, les dieux romains. Ouais, non, ouais. Je suis d'accord. Ensuite, dans les années 60, tu connais la compagnie Wham-O? Wham-O? Wham-O, c'est ceux qui faisaient les Super Bowl. Les boules de caoutchouc, les balles qu'on peut lancer. Puis non, connaissais pas ça. Bon, donc la compagnie s'appelle Wham-O. Dans les années 1960, ils ont fabriqué une gigantesque Super Bowl. Une super méga Super Bowl. C'est pas son nom. Qui est environ de la grosseur d'une boule de quille. Et ils l'ont échappé volontairement, c'est ce qu'ils voulaient faire, d'une fenêtre au 23e étage, comme cascade promotionnelle pour vendre leurs produits. Ça a détruit une voiture qui était stationnée au 2e rebondissement. Mais non, t'imagines? Méchante balle. Puis les assurances, est-ce que ça couvre une Super Bowl? Hi, je suis pas certaine. I don't know. Est-ce que c'est... Surtout pas des années 60. C'est ça. Est-ce que c'est un acte de Dieu? Ouais, c'est ça. Ou c'est un acte criminel? On sait pas. Mm. On sait pas. Des fois, on appelle... En anglais, la police, on l'appelle 5-0. Oui. 5-0. Hein? D'où l'émission à Hawaii 5-0. Ben justement, non. Tu as tort. Quoi? C'est pas d'où l'émission... 5-0. Non, mais c'est 5-0 ça. Qui est d'où le nom qu'on donne aux policiers. C'est ça. Ça vient du nom de l'émission de télé en premier, Hawaii 5-0. Une fois qu'ils ont, ils ont nommé Hawaii 5-0, l'émission, en hommage à Hawaii, qui est le 50e état des États-Unis. Où? 5-0, 5-0, 50e état. Pas pire, hein? Les humains ont presque aucune chance. C'est très improbable, en fait, qu'un être humain s'enfonce entièrement dans du sable mouvant, étant donné la densité du liquide, du fluide. C'est bizarre. Donc, le sable mouvant qui a une densité d'environ 2 grammes par millimètre, ouais. Alors que la densité d'un humain est d'environ 1 gramme par millimètre, un humain descendrait jusqu'à environ leur taille, mais pas plus loin que ça dans le sable mouvant. Fait que tous les films là, de notre jeunesse... C'est un peu moins peurant. C'est des mensonges. C'est ça. Peut-être avoir de la misère à sortir, mais au moins, tu vas pouvoir attendre que quelqu'un vienne te chercher et te tirer dessus. T'sais. On devrait crier à l'escroquerie. C'est ça. Je me demande si tu fais pipi dans un sable mouvant, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas. Une boîte mouvante. Une petite boule qui descend. Ben, une boule de... Ah, là, c'est fort. De pipi? Ben oui. Tu pipi en boule? Non, mais si... T'es tout dans le coin de la pièce en train de faire pipi en boule? Non, mais si tu urines dans du sable, j'imagine que ça va faire comme... Une super ball de sable? Ouais. Ben, c'est peut-être. Comment savoir hey, à part le tester? Hey, on est vraiment en train de parler de ça, matin? Je sais pas, c'est toi qui garde des anecdotes bizarres aujourd'hui. Mais non, là, c'est toi qui a parlé de faire pipi dans du sable mouvant. Si tu rencontres un dauphin qui a l'air mal pris sur le bord d'une plage... Remets-le dans l'eau. Non! Tania, tu vas... Non! De quoi de non? Ben non, fais pas ça! N'aide pas le dauphin à retourner dans l'eau. Plus souvent qu'autrement, ils se mettent au bord de la plage par exprès parce qu'ils sont malades ou blessés et qu'ils essaient de ne pas se noyer. Oh non, hey, faut pas que je les remette dans l'eau, excuse! Ben écoute-moi, là! Mais oui, premier, t'appelles le vet. Toi, ton instinct aurait été de le remettre dans l'eau puis tu l'aurais tué. Tu l'aurais jamais su. J'ai l'air cruel, là, même. Un petit peu. Selon les chercheurs, les gens qui ne dorment pas beaucoup ou qui dorment, mettons, qui sont plus actifs, plus proactifs la nuit. Comment t'appelles ça? Les oiseaux de nuit. Oui. Ceux qui se noient dans leur verre de tequila dans les yeux bleus de quelqu'un. Exemple, mettons. Donc, les gens qui préfèrent rester debout tard et dormir tard aussi ont tendance à être plus extravagants, impulsifs, à chercher la nouveauté. Elle fait des signes de tête qu'on vous dirait pas lesquels. Aussi, ils ont tendance à avoir... En fait, ils ont plus de chances de développer un comportement addictif, non. Dépendant. Donc, des désordres mentaux. Bon, ça va bien, mon enfant. Et des tendances antisociales, comme genre tuer un dauphin. Tu sais, j'étais d'accord avec la première partie. Là, la deuxième, ça vient contraindre de tout le reste. Excuse-moi, je me demande en français le... Greenland, c'est pas le Groenland, c'est un autre nom. Je vais devoir aller le chercher. La Terre verte. Non, mais c'est en effet, je crois que c'est quand même le Groenland. Oui. Oui. Je pense exactement. Que oui. Oui, tu sais. Donc, au Groenland, il y a une université. Mm-hmm. Avec 14 personnes dans l'équipe. OK. 150 étudiants. C'est petit. Ça, c'est pas mal un membre d'équipe par 10 ben ouais. étudiants. C'est tellement petit parce que le gouvernement paie pour que les étudiants aient une éducation à l'université gratuitement n'importe où en Europe ou en Amérique du Nord. Il leur paie pour qu'ils soient. Il les paie dans le fond pour qu'ils aillent en Europe, en Amérique du Nord, au Groenland, peu importe. Donc, ça fait que l'université est tout petite parce que les gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui décident de rester au Groenland. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, avec seulement 14 professeurs, de ne pas avoir. Et c'est 14 membres de l'équipe. Donc, ça en peut plus, être directeur, assistant directeur, membre de. T'sais. Fait que finalement, il y a juste comme un programme à l'université. Peut-être, c'est ça. Puis c'est comme, fait qu'il n'y a personne qui veut rester. Le fait. Le fait que tu manges 8 araignées par année. Tu sais, on a souvent entendu ce fait-là. Ailleurs qu'ici, oui, parce qu'on est que oui, quand tu dors la plupart du temps, me semble, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais c'est faux! Yes! C'était une expérience sociale pour montrer comment des informations fausses peuvent se distribuer facilement sur Internet. Et voilà. Je suis heureuse de l'apprendre. T'as aucune idée comment ça fait ma journée. Bon, ben tiens. Tu vois, une journée de fête. Il t'en reste 169 avant. D'apprendre que j'avale pas des araignées comme ça, là. Ouais. Et c'est selon Snopes.com, ça, c'est vraiment une source sûre. L'île qui est la plus densément populée, non, c'est pas comme ça qu'on dit ça, qui a le plus de population dessus, oui. C'est dense, dans le sens que c'est très petit, proportionnellement parlant, c'est très petit, mais c'est très rempli. Mm-hmm. C'est Santa Cruz del Islot. Mm-hmm. Santa Cruz del Islot! Sur la côte de la Colombie, ça mesure environ 0,012 km². Mais ça accueille 1200 personnes. Quoi? Oui, Santa Cruz del Islot, une île située sur la côte de la Colombie, ça fait partie de l'archipel de San Bernardo. La population là-bas, comparée avec sa petite grandeur, fait que c'est l'île la plus densément populationnalisée sur Terre. Et ça doit pas être long, tu fais le tour, hein? Non, mais c'est comme attraction touristique, au moins... C'est très joli. Très joli, tu passes vite à autre chose. Est-ce que tu crois qu'à un moment donné, à cause justement du poids de toutes ces personnes-là et de toutes ces maisons-là, ça va couler. Ça pourrait comme s'affaisser? Je sais pas, si un dauphin arrive sur le bord, est-ce que tu vas le tuer? Moi, c'est la question que j'aurais. Je pensais pas que j'allais tuer le dauphin si je le remettais à l'eau, OK? En 1992, à la place de s'engager dans une grosse bataille légale sur l'utilisation d'un slogan, les directeurs généraux, les Chief Executive Officers de Southwest Airlines et Stevens Aviation, deux compagnies aériennes, ont simplement fait du tir au poignet. pour décider, décider quelle compagnie allait avoir le slogan. Moi, je dis que toute grande décision ça devrait se décider ainsi. Tellement. Il y a des lampes en forme de fleurs qui vont prendre de l'expansion lorsque les gens se mettent en dessous. Si on les décrit un petit peu, on dirait des fleurs de tissu, je te dirais rouge. Mm. Environ, on dirait des roses, peut-être, si on veut. Et lorsque les gens se mettent en dessous, le tissu se lève et la lumière allume. Les piétons au Valero Square, au Square Valero de Jérusalem, peuvent se mettre en dessous. Et les fleurs, les gigantesques fleurs, se gonflent toutes seules. Installées par les architectes en 2014, ça s'appelle Vard. C'est des fleurs de 9 par 9 mètres. Et puis, c'est ça, ça rend une ville qui serait sinon déprimante un petit peu. Mais on dirait que je sais pas si j'apprécie ça ou non. On dirait que je trouve ça laid. T'as pas le contrôle dessus. Tu trouves ça laid? Ouais. C'est vrai que c'est pas particulièrement... c'est un petit peu trop tissu, je trouve. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on en fait... non, ça va, on va arrêter là. On arrête là. C'est tout pour cet effet. OK. Comme ça. Bon. Ben, de toute façon, tout à l'heure, on va avoir David Ferron. Oui. Avec sa chronique Carte Beachée. Dans quelques instants, ça va être toi-même. Ouh. Tania Baudin avec Tania is gonna entertain you. Au retour à Assemblage Requis. Restez là. Vous êtes assez fou. 89.1 Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis, on est lundi 9 novembre 2015, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Absolument. Dans quelques instants, ce sera Tania is gonna entertain you. Mais avant ça, je vous propose une pièce de Joël Saint-Pierre. Sur le palmarès francophone, Tania? Oui, c'est la pièce « 100 pas ». Puis après ça, bon, marche, va ta chronique. C'est ça. Cool. La, la, la. J'ai perdu le reste de ma tête confondue. La guerre avec la fête pour être avec toi, contre toi. Je t'attaque. Et je veux que tu m'aimes, je détraque. Il me surprend moi-même à glisser comme une ombre dans ton monde. Sans toi, je fais les 100 pas qui mènent à notre prochain rendez-vous. Prends-moi ou alors rends-moi. Je suis folle te rendre fou. Je ne sais plus ni quoi faire ni quoi dire. Donne-moi la raison de ce délire. Quand tu es là, je perds tous mes moyens. Mais si tu pars, je fonctionne encore moins. Joël Saint-Pierre et la pièce 100 pas à Assemblage Rocky. C'est comme très rock de finir avec un petit toing dans même. Ouais, hein. Tania Baudin. Oui, c'est bien, bel et bien moi. Oui, t'es un vrai one-woman band. OK. Parce que tu nous divertis avec plein d'instruments, t'as des cymbales entre les cuisses, comme toujours. C'est le moment de Tania is gonna entertain ya. Tu veux pas que je parle des affaires qui entrent tes cuisses? C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Un coup de cymbale entre les deux cuisses. T'es dégueulasse. And she's gonna entertain ya. Salut Tania. Hey, bon matin. Hey, je voulais juste te dire. Cette chère petite intro fait le tour de Trois-Rivières. Arrête. Ça fait trois fois cette fin de semaine que quelqu'un me dit « Hey, she's gonna entertain you! » Oh, tant mieux, l'émission commence à avoir du succès après 6 ans. Ouais. Ça a juste pris un petit peu d'effort. Pas moi qui l'ai dit. C'est ça. Ben, tu sais, gars, c'est moi qui ai le talent d'écriture de chansons d'intro. Ben, en plus, ça. Qu'on en fait deux le même jour. C'est un ben fait, oui. Puis Tania, c'est bang, bang, bang, back à back. Ça arrête plus. Il y en a d'autres qui demandent en plus des intros. Alexandrine, il faudrait bien que j'en écrive une. Ben oui, demander, là, parce puis, que là... Enfin. Bref, c'est pas ma chronique à moi, je vais arrêter de parler, c'est ta chronique à toi. De quoi est-ce correct. Qu'on parle aujourd'hui? Bien, on parle de, je le disais un petit peu plus tôt, de films et téléséries, parce que c'est le temps, tu sais, on est en automne, quasiment début hiver, là, je veux pas dire qu'on est en hiver, là, parce que wow minute, mais, mais c'est le temps que la plupart du temps, tu vas pouvoir, une fin de semaine, t'évacher dans ton sofa, puis dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Arching! Je regarde des films. Ah ouais! Fait que je me suis dit, quoi de mieux que de faire des marathons de films ou des marathons de téléséries? Ah. Moi, je suis du genre à faire ça beaucoup. Genre, en fin de semaine, tu l'as fait? Non, pas en fin de semaine, non? Mais j'ai commencé la semaine dernière par mon classique annuel qui est Harry Potter, évidemment. Mm-hmm. Alors, c'est le premier dont je vous parle. T'as rendu compte que le premier Harry Potter est sorti en 1997 déjà? Wow! Hey! Hey, là, tu viens de changer ma vie. Attends, ça nous rajeunit pas. 18 ans? Ouais. Wow! Déjà. Ça paraît pas. C'est fou, hein? Ouais. En tout cas. Fait que, c'est, évidemment, c'est une télé, ben, pas une télésérie, mais c'est des séries de films adaptées des livres de J.K. Rowling, avec, évidemment, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint dans les trois personnages principaux. C'est un classique du marathon automne-hiver, je pense. Je suis pas la seule à faire ça. Je le vois souvent sur les médias sociaux qu'au moment où que l'automne arrive, les gens décident de s'écouter toutes les Harry Potter back-à-back. Oui. C'est un classique, c'est un classique. Alors, probablement dû aux nombreuses scènes qui sont tournées et qui nous donnent un point de vue sur, justement, les saisons d'automne et d'hiver dans le film. Il y a beaucoup de vent, c'est très froid, ça. Mais c'est tourné en Europe. Oui. Je pense que ça a été tourné, je vais te le dire, là où il fait très froid. Oui, ben oui. Il est là, il me regarde, oui. Ben évidemment, à Londres. Il y a beaucoup de pays, c'est ça que j'aurais pu nommer. Ouais. Londres. En Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne. D'accord. Voilà, c'est dit. Mais tu trouves-tu? Parce oui, oui, oui. Aussi, ça fonctionne avec la saison d'école, hein? Ouais. Harry Potter, ben, le premier, du moins. Enfin, évidemment, on suit les saisons. Puis je pense que c'est pour ça que c'est un film qui est quand même plaisant à écouter ça fait, à ce moment-là de l'année. Tu sais, je me verrais pas écouter toutes les Harry Potter en plein été. Non, non. Faites pas. Absolument pas. C'était ma vision des choses. Ben raison. Puis ça se démode pas, en plus, d'écouter Harry Potter. C'est un classique. Moi, je le dis. Quand c'est bien écrit, bien joué, bien réalisé, hein? Le jour où on va avoir des enfants... Pas toi et moi ensemble, non, mais le jour où on aura des enfants, c'est sûr que notre génération va montrer ce film-là à nos enfants. J'espère juste qu'il n'y aura pas des remakes. Ah, j'espère. En 2025, 2027. Je suis d'accord avec toi. Deuxième film qui est très plaisant à écouter en marathon, ça, évidemment, c'est d'écouter les films 1 à... Back à back, dans la même journée? Ouais, ben la plupart... Ben, Harry Potter, oublie ça, là. Tu peux pas faire ça dans la même journée, là. Il y en a comme 8. Les James Bond, genre. Ouais, c'est ça. Non plus. Mais oui, préférablement dans la même fin de semaine, si on est capable. Eh bien, le deuxième que je vous présente, c'est Back to the Future. Oh. Retour vers le futur. Retour dans l'actualité aussi, en plus. Ben oui, parce que... quelques semaines. Ben c'est ça. Film sorti en 1985. Film de Robert Zemeckis. Mm-hmm. Avec Michael G. Fox et Christopher Lloyd. Mais on est l'année du futur. C'est là. Dorénavant, on vit dans le passé. C'est ça. Mais c'est juste logique de décider d'écouter la série au complet ben oui. cette année. Ça, c'est pas trop long, trois films. Mais non, c'est ça. Ouais. Puis c'est un film qui est très plaisant à regarder. Ça aussi, ça se démode pas. Ça se démode un peu du côté vestimentaire, là, mais... C'est ça. Mais l'histoire reste toujours bonne. Mm-hmm. On peut, je pense pas qu'on peut se tanner d'écouter Back to the Future. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il faudrait que je m'y retape. Ah ouais? Il y a un coffret en plus qui est en spécial partout en ce moment. Ben ça doit, parce ouais. que... T'sais, on est l'année c'est du ça. Futur. L'année du futur. Je l'ai dit. Ça, c'est une série qui s'écoute quand même super bien un samedi matin, mettons, jusqu'au soir ou encore un dimanche. Moi, ma famille, on faisait beaucoup ça quand j'étais jeune. On écoutait des films vraiment souvent la fin de semaine. Ouais. Et Back to the Future revenait vraiment souvent. Génial. À ce temps-ci de l'année. C'est pourquoi je l'ai mis dedans. En plus, parce qu'on est le mois du futur. On n'est plus le mois du futur, on est rendu en novembre. C'est adapte-toi. Ne vis pas dans le passé. Je suis désolée. Ouais. Le troisième que je vous présente, eh bien, c'est une série télévisée. Donc, première série télévisée que je vous présente, elle est sortie en 2004. Une série de Doug Ellin avec Adrian Grenier, Jerry Ferrara, Kevin Connolly. Est-ce que tu sais de qui je... quelle série télé je parle? Oui, parce que c'est écrit sur la feuille, mais dans les acteurs aussi, me dit quelque chose, c'est Entourage. Eh bien, oui. Bien, en fait, c'est pas très, très compliqué. C'est une série télé qui relate l'histoire de quatre chums de gars qui vivent ensemble grâce au succès d'un d'entre eux qui est un acteur qui s'appelle Vince. Et puis, évidemment, ils sont toujours dans de curieuses aventures. Disons-le comme ouais. ça. C'est vraiment une bonne série, facile à écouter, je dirais. Puis c'est pour ça que je l'ai mis dans mes choix, en fait. Parce que ça s'écoute en ami ou ça s'écoute seul. C'est très comique. On peut aussi décider de terminer avec le film qui va sortir en décembre. Donc, okay. Je vous dirais d'attendre, peut-être. Il est sorti en cinéma, non? Il est sorti? Il me semble que oui. Puis je pense que ce qui s'en vient en décembre, c'est peut-être le DVD ou la sortie vidéo. Peut-être. Mais j'entends pas de bons commentaires partout sur le film. Il me semble c'est vrai, hein? La série a tellement fait parler, puis le film a si peu fait parler. Ouais. Ah, vous êtes peut-être mieux pas d'écouter le film, finalement. Mais en même temps, moi, je suis un complétiste ou complétionniste, peu importe. Ouais. J'aurais aimé... il me faudrait le tout. Ouais, ou le film aussi pour boucler la boucle. T'sais. C'est vrai. Je peux pas rester... à 99% regarder. Mais ce qui est le fun dans ce temps-là, justement, quand tu fais un marathon, c'est de voir l'évolution aussi des personnages. Fait que quand tu arrives au film, en temps normal, d'après moi, tu as des attentes assez élevées quant aux personnages. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est écouter la série au complet, puis après ça, à la fin, réécouter le premier épisode. Ah oui. Pour voir la différence marquée. Ça. Pour voir la différence marquée, mais aussi, des fois, tu sais, comme dans la dernière série, dernier épisode, tout dépendant de la télésérie que tu écoutes, évidemment. Et, mettons qu'il y a une enquête. Puis que t'as la réponse. Oui. Puis qu'ils disent... Est-ce qu'il y a des indices avant? Ouais, c'est ça, exactement. Ah oui. Moi, j'adore ça, faire ça. Exact. Tu sais, comme la fameuse émission, là, qui sont rendues comme à 9, puis ils n'ont pas encore trouvé c'est qui a enlevé qui, là. Pour ne nommer que PLL. Pretty Little Liars. Exactement. Ouais. Moi, ça m'a totalement fait décrocher. Ah, ça tourne en rond, cette émission-là. C'est ça. Ouais. Deuxième série télé dont je vous parle, mais quatrième que je vous propose, en fait, dans les marathons de films et téléséries, eh bien, c'est une série de Josh Schwartz avec Adam Brody, Rachel Bilson, Misha Barton. Eh bien, oui, c'est la série culte d'E.O.C. Oui. Newport Beach! Ça, c'est la traduction en français qui était pourrie. Yeah, je sais pas ce qu'ont les Français, hein. Non, je sais vraiment pas. Ouais. Mais je pense que c'est une télésérie qui a vraiment marqué une grande partie de la population. Mm-hmm. Je sais pas si c'était la première télésérie qui est sortie comme... Pourtant, non. Ça a pas duré longtemps du tout, en plus, cette émission-là. Ça tournait, c'était tout le temps les mêmes épisodes. Quatre saisons, c'est ça. Ouais. C'est sorti en 2003, en plus. Ça fait pas si longtemps que ça, non, c'est sorti. C'est ça. Mais... Pour nous autres, ça fait pas longtemps. Pour les jeunes qui sont nés 2 ans avant. Oui, ça, c'est sûr. Ça. Mais bon. Je trouve que c'est la classique histoire des jeunes riches et presque célèbres. Là, je dis bien presque célèbre. Mais ce qui était plaisant aussi de voir dans cette série-là, c'est que malgré ce qu'on pouvait croire sur les jeunes qui étaient riches puis tout ça, c'est, on pouvait toujours se tromper à un certain point. Tu sais, exemple, Adam Brody, tout le monde pensait qu'elle allait être snob puis tout ça. Tout le monde le veut comme ami. C'est comme le geek par excellence. Bande dessinée, etc. Exactement. Puis tout le monde voulait sortir avec Adam Brody dans cette émission-là. Puis surtout que de ne pas se fier aux apparences, c'était vraiment mis de l'avant là-dedans. Parce que peu importe ce que tu pensais, tu croyais toujours à une attente. Puis finalement, cette attente-là était détruite de façon assez exceptionnelle. Tu sais, comme tout le monde pensait que Misha Barton allait être super heureuse vu qu'elle allait elle a la maison, l'argent, les parents riches, blablabla. Puis finalement, c'est elle qui vire le plus mal dans ces séries-là. Ouais, c'est ça, spoiler alert, là, on dirait pas le reste. Ah, excusez, pour ceux qui l'ont pas écouté. Tu l'as pas dit. Ben non, je l'ai pas dit encore. À vire mal, ça veut rien dire. C'est tout, à vire mal. Ouais. C'est elle qui a le plus grand aventure là-dedans, je suis sûr. Ouais. Mais après, moi, ça reste Rachel Bilson. Moi aussi. Rachel Bilson, Adam Brody, dans cette émission-là, c'est... Oh, on les aime-tu pas rien d'amour. Que... D'amour. D'amour. La dernière idée de marathon de film ou télésérie que je vous propose, eh bien, c'est un film, ou du moins une série... qui date. C'est le plus vieux que je vous présente aujourd'hui. Le premier est sorti en 1977, réalisé par George Lucas avec Harrison Ford, Mark Hamill et Carrie Fisher. Ah, vous me voyez tous venir. C'est Star Wars. Oui. Le seul, le premier qui a été appelé la Guerre des Étoiles après ça, le c'est reste, vrai, c'est juste Star Wars. C'est tout. Ouais. C'est vrai, t'as ouais. tout à fait raison. Tu sais, un classique, un grand classique, ça reste un classique. C'est ça. Là, il faut te faire un marathon parce que le film sort en décembre. Ben, c'est ça, exactement. C'est comme ça que je voulais terminer. En plus, tu sais, le prochain film va sortir en décembre. Alors, c'est le temps idéal pour décider de réécouter la série au complet ouais. de films cultes. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que l'univers qui a été créé dans ce film-là, ben, dans ces films-là, dans cette série de films-là, c'est intemporel. C'est quelque chose qui pourrait probablement pas être créé aujourd'hui, vu justement où ils ont amené le film versus l'année où on était là. Ouais. En 1977, là, tous les effets spéciaux puis tout ça. Puis, comme je dis intemporel, c'est que je pense que n'importe quel père va transmettre cette série de films-là... Une tradition. À son enfant. Oui. Puis, si t'embarques là-dedans, en plus, t'as les bandes dessinées, ben les oui. séries télé, les films dérivés, les jouets. Tellement. Ouais. Puis je pense que ça rejoint aussi, tu sais, les gars, mais aussi les filles. Parce que toutes les filles ont déjà souhaité être la princesse avec les brioches sur le bord de la tête. Oui. Puis d'avoir un Ewok chez vous à la place de ton chien. C'est ça. Les gars voulaient d'une slave Leia, la Leia esclave. Ben oui, celle qui est dans le premier, si je me souviens bien. Mais tu sais, le premier, on se souvient, là, il est comme finalement, il est décalé lui aussi. Là. C'est que le premier, c'est ça. C'est la première série, c'est les 4, 5, 6. Puis les prequels, les 4, 5, 6 sont les 1, 2, 3. Puis là, celui qui sort là, il se situe où dans cette... Demande-moi pas ça, faut que je les regarde. Est-ce que Harrison Ford joue dedans? Oui, je l'ai vu, oui. Donc oui. En théorie, c'est pas le premier, là, parce que là, il aurait l'air vieux. C'est ça, j'avoue. Tu sais, il y a ce côté-là, par exemple. Tu sais, je suis d'accord avec le fait qu'on peut jouer chronologiquement ouais. selon la sortie des films. Ouais. Mais reste que Harrison, là... Il peut pas avoir l'air d'avoir 17 ans encore. C'est ça. Harrison plus Harry Grandfather, am I right? Hey, hein? Harrison, t'as l'air. Faut qu'on... Harrison. Ouais. Faut qu'on mette les choses au clair. Ouais. Pas le temps de niaiser. Non. Fait que Star Wars, je trouve que c'est une bonne idée. Oui, mais oui. Puis il reste tout ce qu'il y a en ce moment au cinéma, c'est tout le temps des remakes de tout. Là. Fait que là, tu mais peux oui. regarder tous les Peanuts, les Charlie Brown. Ouais. Regarder tous les James Bond. Hein? Oui, c'est ça, on en parlait la semaine passée avec Sam. C'est pour ça que je l'ai pas mis dedans. Puis je me suis dit, on a déjà parlé que c'est une idée très bonne à faire d'écouter toutes les James Bond. Ouais. Puis c'est probablement ce que je ferais aussi. Oui. Tu sais, on parlait aussi à l'extérieur des ondes, je crois, de juste écouter la série avec Daniel Craig ouais, ben des oui. James Bond, parce si jamais vous voulez vous remettre dedans, oui. c'est ça. Exact. Parce que, tu sais, on le sait, il y a eu quoi? Il y a eu combien d'acteurs différents qui ont incarné James Bond? Non, hein? Je pourrais pas dire. Il y, hey, y en a eu hein? beaucoup, là. Ouais. Fait que si on se les tape toutes, comme disait Sam, je pense que c'est quoi, c'est 23 films au total? Ouais, ça se peut. C'est du stock, là. C'est ça du vous, stock. Ça vous prend une fin de semaine de 4 jours. Oui. <C'est>... Ou les vacances de Noël. Ou les vacances de Noël. Puis je pense que c'est pour ça qu'on aime tant faire des marathons de films ou de téléséries dans ce temps-là. C'est qu'on a le temps de le faire. C'est peut-être la différence avec l'été aussi. Oui. Mais bon. Alors, c'était mes 5 idées. Je vous les répète. Harry Potter... Back to the Future ou Retour vers le futur en français, mais moi, j'aime toujours mieux les écouter en anglais. Ben oui. La série D.O.C. ou Newport Beach, si jamais vous êtes français. La série Entourage et Star Wars. Star Wars. Wars. Wars. C'est comme une bulle de... Je sais pas moi, comment tu prononces ça. D'air qui passe en même temps. Star Wars. Mais bon, alors ce sont tous des films ou téléséries qui sont quand même très plaisantes à regarder, à écouter, que ce soit en famille, en amis ou seul. Allez-y, faites-vous plaisir. Seul en pleurant. Seul en pleurant avec votre pot de popcorn. Ouais, du ma pause prête. Hmm. Puis votre 4 litres de Coca-Cola. 4 litres de Coca-Cola. 4 litres de Coca-Cola. 4 litres de Coca-Cola. Hey, c'est dur à dire, dis-le 4 fois rapidement. Non. 4 litres de Coca-Cola. T'as des drôles d'habitude dans ta ouais, vie. Ouais, je sais. Voilà. Mm. C'est dit. Et pourquoi pas écouter une chanson qui a quand même été aussi, je pense, mise sur la map grâce à la télésérie qu'elle accompagnait et qui fait encore fureur aujourd'hui. Et là, si je ne m'abuse, c'est... J'étais plus près, là, que toi. Ouais, je sais, j'ai vu. Il y a un silence, le malaisant. Je sais, hein. C'est la trame sonore de D.O.C. California. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Nothing's gonna stop me now. California, here we come, right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war, gotta get us to the show. California, here we come, right back where we started from. California. California, si je me souviens bien, le band, c'est Phantom Ocean. Phantom Planet. Phantom Planet. Voilà. T'as bien raison. Mm-hmm. Quelle chanson. Ben oui. On l'aime, cette tune. Quel souvenir. Quel souvenir. De voilà. Jouer ça. Merci, Tania. Hey, merci, Mathieu. C'était Tania et Scott et Tania. On fait ça tous les jours de semaine, lundi ou jeudi. Peu importe quand, entre deux autres chroniqueurs à Assemblage Rock. Au retour, David Ferron va être là pour sa carte bleachée. Musée mm-hmm. du monde. Follerie. Des c'est fois moins, c'est ça, c'est le temps. Mais c'est le temps pour ça, l'automne. Et il y a aussi une pomme sur la tête, je pense, avec Florian. Ah ouais? Assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblée Adroquie en ce lundi 9 novembre 2015 à l'Étalia Baudin. Avec Mathieu Plante. J'ai reçu un message texte de la part d'une auditrice fidèle qui nous dit que James Bond a seulement eu 6 acteurs. J'aurais pensé plus. Moi aussi. C'est pas ben 6. Non. Il se force pas, je trouve. Yeah. Mon petit bande d'ingrats. Non, mais c'est quand même bien parce qu'il faut pas trop changer le visage de James Bond. Le visage du mondien. C'est qui, c'est Éric Lapointe, ça? Non, mais le visage de James Bond. Ok. J'ai entendu visage de mon Dieu. Non, faudrait que t'écoutes. Hey, tu sais, le jeu Qui est-ce? Ouais, ça, c'est-tu l'affaire avec les palettes, là, qu'il fallait que tu descendes? Oui, les palettes. Oui. Qu'il fallait que tu dises, bon, est-ce qu'il est roux? Est-ce qu'il y a une barbe? Oui, est-ce des lunettes? Il porte-tu des boucles d'oreilles? Ouais, c'est ça. Puis là, tu en enlèves plein, puis là, à la fin, mais il reste seulement, genre, David Ferron, puis il fait comme... Voici la carte bleachée. Allô. Salut David Ferron. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va être une chronique tendre. Waouh, comme une barre. Oui. Une barre tendre évidemment. Oui. Aux petits fruits. Oui. Ou dans ton cas, aux légumes. C'est une blague. Donc David Ferron qui nous présente sa carte Beachy aux deux semaines. On parle de musique du monde, on parle de musique en général des fois. Oui, puis d'autres fois c'est autre chose. Mais là ça a l'air qu'on a des gens qui nous observent aujourd'hui. Donc je suis obligé d'être sérieux et intelligent. Oh, ok. Je suis obligé juste à cause de ça. Parce que je veux pas nuire à la réputation de ces fous. J'aimerais si, parce que je crois que notre micro magique qui est celui juste là, si tu pointes le micro magique vers nos deux auditeurs, pointe le micro magique vers les auditeurs, juste pour qu'on puisse avoir. Non, je veux pas qu'ils parlent. Je veux juste qu'ils fassent des applaudissements comme pour un public en studio. Attention, assemblage requis, c'est la carte Beachy. Ouais, ça fonctionne. Hey, je me sens aimé. Ça fait du bien. Une chance que vous êtes là, les gars, parce qu'habituellement, je me sens tellement intimidé par Mathieu et Tania habituellement. Mais sûrement parce que je fais des jokes de légumes. Là. Sûrement pour ça. D'après moi, ça a une bonne raison. Ouais, c'est ouais. Je comprends pas. Parce que c'est Mathieu Plante, c'est normal de faire des jokes de légumes. Ça va avec. Oh, oui. Tania Baudin, il n'y a pas de jeu de mots à faire. Non, je suis désolé. Non. Un jour. Mais... Des jokes de cartable comme un duo Tania. Yeah! Duo Tania. Un point pour toi. Merci. Donc, David Ferron, carte bleachée. Pourquoi carte bleachée pour ceux qui suivent la chronique juste sur deux semaines puis qui ne savent pas trop? En fait, carte bleachée parce que m'a donné, je suis allé voir dans ton bureau puis j'ai commencé à m'ouvrir les veines en me disant, ben, j'ai pas de concept de chronique, qu'est-ce que je fais. Puis là, tu m'as dit, ah ben, c'est pas grave, tu sois relax avec ça. Puis là, je me dis, ben, je vais faire carte blanche. Mais carte blanche, c'est un concept qui est assez usé dans la vie, donc carte bleachée parce que c'est un peu décapant. Puis comme c'est décapant, bien, c'est une chronique qui va vous permettre de voir la vie de toutes les couleurs. Wow, mais c'est comme 4 à 5 fois trop d'explications pour le titre. Oui. C'est pas la même explication qu'en temps normal en plus. J'essaie d'être réinventif, je sais oui, pas. Oui, j'aime ça. Donc, ton sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? La disque. Oui. Une autre affaire qui peut faire des paper cuts des fois, comme le papier, mais le disque, ça peut te faire un paper cut. Oui, exactement. J'essaie de marcher les veines tantôt avec ça. Ah non, c'est pas mon but, je vois bien maintenant, à ce temps que j'ai une chronique définie, donc... Alors, pourquoi la disque? Parce qu'évidemment, ben, qu'on pense que Jean Leloup gagne des prix, qu'on parle de Ramdam et que le gouvernement libéral et majoritaire, ben, on se croirait au début des années 2000. Ah oui, le retour de Ramdam! Ben, carrément, là, est-ce que ça se plane? Persécution. Oui. Manolo. Ah oui? Mais oui. T'écoutais pas Ramdam, tu parles de Ramdam? Ben, je sais pas. Fallait que je mette de quoi qui a rapport avec Ramdam. Ça a de l'air parce que sinon, j'étais has-been. Eh ben. J'avais des menaces. Wow. De la part des producteurs de ma chronique. Ah, t'as des producteurs à ça? Oh, oui. Ah. Puis ils me menacent puis ils me disent, bon, faites quoi de sérieux? Parce que ça a l'air qu'il y a des gens qui viennent visiter. Alors, on tient à la réputation de la chronique. Sinon, tu vas être obligé de passer la mop dans les studios. Tu parles encore du public en studio? Oui. Hey, ils sont réactifs, on aime ça. Merci. Ils ont un avenir prometteur. Oui, en tant que public. Mais c'est cool. Mais pas juste ça, je suis sûr qu'il... Bon, ben moi, Éric je m'en vais. Éric Salvin a commencé en tant qu'animateur de foule. Ben oui, c'est vrai. Fait qu'il y a un futur là-dedans. Ben oui. Bon. Parle-nous de ton sujet de la disque, s'il te plaît. Donc, la disque, ça fait depuis 1979 que ça existe. Mm-hmm. Donc, moi, je vais faire en trois chansons des moments pas nécessairement connus de la disque. Donc, je suis allé vérifier sur le site de la disque de 1969 jusqu'à 2014, donc okay. Jusqu'à hier. Parce que j'avais... Ben, parce que j'avais préparé ma chronique hier, fait que j'avais pas vu... OK, donc, non. Je pense qu'on les a vus, les gagnants, hier. Oui. Les gens regardaient ça fidèlement. Ben oui, fait qu'on sait c'est quoi. Tandis que là, ben, je dépoussais un peu des trucs qu'on connaît pas trop. Donc, c'est une belle manière de découvrir la diversité de la culture québécoise en 30 ans. Oui. Presque 40 ans. Wow! Donc, premier gala, c'est quoi? C'est 1979. Et là, je m'en vais dans la catégorie disque de l'année instrumentale. En nomination, c'était l'album Libre Service de Manège. Et Manège, c'est quoi? C'est d'abord un duo, soit Alain Bergeron, qui est un musicien d'instruments avant, et de Jérôme Langlois, claviériste. Et ces deux-là décide de monter un groupe qui inclut un bassiste, un percussionniste et un batteur. Et le groupe se forme en 1972 et commence à sortir des albums en 1975. Durant la carrière du groupe, qui dure plus d'une dizaine d'années environ, ben, les membres et les styles évoluent. Et la pièce qu'on va entendre de l'album Libre Service, c'est 3X. Ça, on va entendre en fait les pièces dans l'ordre, dans le même ordre que je les présente. À la fin, après les avoir présentées. Oui, exactement. Donc là, on fait un voyage dans le temps parce que là, dans les années 80, c'est le référendum. Puis là, il y a comme un coup de déprime au niveau de la musique. Donc tout ce qui est bon est en anglais, malheureusement. Dans les années 80, c'est vraiment plate à dire, mais c'est ça. Ouais. Et là, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent, Richard Séguin, Joanne Blouin, Nathalie et Simard, bon. René Simard. Et même que dans les années 80, il y avait la catégorie clip de l'année. Et là, tu avais un bon clip de Jim Corcoran, qui était super bon. Il a vieilli, ça fait comme, ça fait années 80, mais c'est quand même inventif, et ça s'est fait d'amener le pion par Tournapage de René Simard et Nathalie Simard. Et tu te dis le critère, ah ben originalité, oui. Ben, ouais. Ah, créativité, oui. Montage, oui. Airbrushing, yes! Airbrushing. C'est intense dans ce temps-là. Oui. Oui, surtout que là, ils sont derrière un avion, puis là, le vent tourne, donc c'est, oui. c'est magique. C'est une image. Oui. Oui. C'est Harry Potter avant le temps. C'est non, ça. C'est ça. Donc, là, je m'en vais dans les années 90, et là, je suis même pas au Québec, parce que la catégorie que je vous présente, c'est artiste de la francophonie, c'est le plus illustré au Québec. Ah! Et oui, donc grâce à Cœur de loup, Philippe Fontaine se fait connaître partout dans les deux côtés de l'Atlantique, et se retrouve donc en nomination dans cette catégorie, gagne le précieux Sésame. Mais... Par contre, ce que je vais vous faire jouer... J'ai eu chaud. Je suis agace. Je pensais que t'allais nous faire jouer ça, j'aurais dit. Non. Ah, là. On a peut-être pas le temps. Non, j'ai pas envie que le directeur de la programmation me transforme en petite pièce détachée. C'est ça. Ça pourrait casser en deux. Oui. Comme dans ton intro. Je t'ai cassé. Oui, exactement, mais ça sera pas juste ça. Je sens que la vengeance va être sanglante. Ouais. Puis c'est normal, ouais, je le comprendrai. C'est pas ce qu'on va entendre. Non, à place, ce que je vais faire jouer, c'est un autre finaliste, soit le groupe Les Négresses Vertes. Hein? Oh, le racisme, oui. Ce matin? Ben, je vais expliquer d'où c'est que ça vient. Okay, okay. C'est pas de la faute du groupe, nécessairement. Ben. Et deux ans auparavant, avant 1990, donc 1988, ils sortent l'album Mla, mais ça s'écrit M-L-A-H. Enfin, je sais pas, je le prononce bien, mais c'est Mla. Mla. Oui. Comme la mlasse. Oui, mlasse. Donc, Mla, ça contient les gros succès Zobi la mouche et Voilà l'été. Et d'où vient le nom des négresses vertes? Je fais une petite parenthèse là-dessus. C'est que, selon la légende, lors d'une fête bien arrosée, c'est que le bonsoir du bar aurait exigé qu'on sorte les gars du groupe et le bonsoir les aurait appelés les négresses vertes. Donc, il aurait dit « Sortez les négresses vertes! » Il y avait une voix un peu pas très, très menaçante pour un bouncer, mais bon. Ouais. Dans ma tête, ou la seconde option, « Sortez les négresses vertes! » Mais pourquoi ils appelaient comme ça? Ben, à cause de leur couleur de cheveux. Ah, OK. Puis c'était comme, pour le bouncer, c'était sûrement des voyous, des pouilleux, des... Ouais. Il y avait des dreads, des sûrement. Des jeunes bums. Ouais. Ouais, ben en fait, c'est ça, c'était en plus des gens qui venaient de différents groupes punk, donc... Ah, d'accord. Sûrement qu'il n'était pas bien vu par le bonsoir. Je sais pas, c'est la légende. C'est une légende, ouais. Donc je sais pas c'est quoi la vérité. Mais en fait, je suis encore plus surprenant parce que je vous présenterai pas un extrait de Mla. Parce ah non? que non, je vais vous présenter plutôt un extrait d'un autre album qui s'appelle Trabendo. Et la chanson, ça s'appelle Les Mégots et c'est sorti en 99. Et tu l'as choisi parce que? Parce qu'en fait, les chansons Zabie la mouche et Voilà l'été, on les entend souvent. Pas mal loin, c'est ça. On les entend souvent, tandis que là, Les Mégots, qu'est-ce qui est particulier, c'est que c'est comme une chanson de transition, dans le sens qu'au début, ils faisaient des trucs à la trio un peu, à la Brassicardie, c'était très agréable, mais c'est tout le monde, on les entend quand même souvent. Ouais. Mmh. Tandis que là, c'est on les entend moins. Les Mégots, on n'a pas entendu ça bien souvent. Et c'est la transition entre quelque chose qui est plus folk, qui est plus, folk reggae un peu, à de l'électro. Un petit peu plus indie, mettons. Ouais, moins grand public. Oui, je vous dirais ça. Et là, ça, c'est en... Dans le fond, on souligne les Négresses Vertes qui ont été en nomination en 90. Et là, je tombe en 96. Et là, c'est quoi 96? C'est que c'est la première année où se retrouve la catégorie artiste québécois musique du monde. Oh, OK. Et oui, donc... Ça existe, ça. Oui. La musique du monde, on appelle ça musique du monde, juste parce que c'est pas de la musique typiquement québécoise, mais ça reste que c'est au Québec, par les artistes québécois. Oui, exactement. C'est sûr que c'est très large, la musique du monde. Oui, ça veut rien dire, en fait. Le terme musique du monde, c'est comme toute la musique est musique du monde. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Fait que dans le fond, mon émission que j'anime tous les jeudis de 7h, ça marche plus, c'est ça? Ça marche absolument pas. Ah, ouais. Maudine, je fais ça pour rien. Aucun succès. En effet, je suis triste. Désolé à mes deux fans polonais qui m'écoutent. Oh, oui. Les petits polichons. Et au revoir, je laisse le micro au stagiaire. Au revoir. Au revoir. Oui. Donc, c'est ça pour revenir à l'artiste québécois Musique du Monde. Ça, c'est en 96. Et comme je l'ai dit, c'est la première année qu'on présente cette catégorie-là. Et dans cette catégorie-là, il y a notamment Laza de Sella, mais elle n'a pas gagné dans cette catégorie-là. Sûr et mort. Non. Ah! Ah! Non, mais là, en 96, okay. C'est là qu'elle sort son premier album. OK! Ah, c'était pas un zombie encore. Mais non! OK. Mais non, respect pour Laza de Sella. Excuse-moi. Ah! Méchant. Tu mérites... Qu'est-ce qu'il mérite, ouais. Tania, comme punition? C'est moi qui déjume ça. Hey boy, hein? C'est ça. Ça, là... Tu dire, ça? Ça va être cruel comme punition. Ouais, je donne pas de punition aux gens. Non, c'est une fille gentille. Ouais. Elle pardonne tout le monde. Ah, ben c'est bien. Ouais. Pas moi. Oh. C'est toi qui payes le café tout à l'heure. Okay. Boum! Boum! Ah, c'est face. Cool. À moi aussi. OK. Vas-y. Donc, pour revenir à la catégorie Musique du Monde de années 96 des Galas à la disque, qu'est-ce qui a gagné? C'est plutôt ex aequo pour Raoul et Quartango. Quartango, c'est plus du jazz, un peu style un peu latino aussi. Hein. Il englobe beaucoup de choses dans la Musique du Monde pour mettre le jazz. Ben, il n'y a pas de catégorie de jazz à la disque? Non, mais tu peux avoir du jazz latin, tu peux avoir toutes sortes de... Ben, il dit jazz parce que ça me fait penser à ça, mais c'est piano avec des accents un peu tango aussi. Okay, okay. Donc... C'est avec le nom Quartango, ouais. On s'attend à ça. Exactement, et j'ai rien trouvé sur Raoul, malheureusement. C'est un peu trop générique comme nom, hein, Raoul. Tu dois trouver des Raoul Duguay, puis... Ouais, mais c'est autre chose. Donc, en nomination dans cette catégorie-là, c'est le groupe Takadja, qui veut dire vibrer en dansant en guéré, qui est une langue parlée en Côte d'Ivoire. Et Takadja, c'est en fait un groupe de Québécois qui est formé principalement de gens qui viennent de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, notamment, et... s'il ne me trompe pas, aussi de la Soudan, donc de quelques pays en Afrique et de Québécois aussi, donc c'est assez varié comme groupe. Et on va entendre la pièce Wami. Et le groupe est encore actif puisqu'il a donné cet été des spectacles. Ah, cool! Donc on va entendre ça, donc je récapitule les pièces. Donc on va entendre Libre Service du groupe Manège. On va entendre... en fait, on va entendre la pièce... La pièce 3X, oui, ouais. Exactement. De l'album Libre Service de Manège. Après ça, on va entendre la pièce Les Mégots de Des Négresses Vertes. Et après ça, on va entendre la pièce Wami de Takadja. Dans la carte bleachée de David Ferron. Oui! We'll be right back. Et donner des vertiges à ceux qui n'osaient pas. on vient d'entendre la pièce, c'est ça, on vient d'entendre la pièce Wami du groupe Tagaja qui était en nomination en 96 au cours du gala à disque en tant qu'artiste groupe québécois musique du monde. Avant ça, on a entendu la pièce Les Mégots tirée de l'album Trabendo de la part des Négresses Vertes parce que le groupe Les Négresses Vertes en 90 était en nomination comme artiste de la francophonie, s'étant le plus illustré au Québec. Et la première toune, c'est le groupe Manage avec la pièce 3X et ça, c'est tiré de l'album Libre Service qui était en nomination dans la catégorie 10 de l'année en 79, animé par Denise Filiatro et Dominique Michel. Ah ouais, hein? Oui. Ben oui. Moi et l'autre. Exact. Ouais. Youpi, fait que c'était ça ma chronique. Hey! Félicitations. Ben merci. On te retrouve dans deux semaines, David Ferron? Peut-être. Peut-être. Si ça donne comme ça. Avec une autre carte bleachée, c'est les lundis matin à 8h30. Oui, merci de m'avoir accueilli, Tania et Chose. Chose. Ah, Mathieu! Oui, Mathieu, ben tu mérites pas ta plug de bord pour ton émission du jeudi après-midi. Qui est diffusé à 17h. Oui, tu sais, le palmarès du monde. Ouais, je le sais, c'est vrai que j'étais méchant. Tu diffuses la musique du monde, tout ça, puis des entrevues, puis des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. En plus, ça fait 3 ans que je fais des chroniques pour toi, Mathieu, puis je t'ai appelé Chose. C'est vrai que je mérite pas d'avoir une plug, surtout qu'en plus, ça repasse le samedi à 15h l'émission, fait que ça va pas bien, je m'excuse. Non, mais non, une chance, faudrait pas qu'on plug les reprises, puis faudrait pas qu'on dise aux gens d'aller voir sur le cif.ca pour aller voir la programmation pour savoir quand ça joue, sinon, tu sais. Mettons. Non, exactement. Fait que laisse faire ça. Ouais, je m'excuse. Dans deux semaines, merci David Ferron. Mais ben, bienvenue, au revoir Tania, au revoir Mathieu. Au retour, Marie-Christine Perra et sa chronique Gratin et Vent gratuit. On parle d'art visuel. Au retour à Assemblage Rocky. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes à Assemblage Reiki en ce lundi 9 novembre 2015. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, on n'a pas beaucoup parlé, toi et moi. Non. Ça. Non, en effet. On a des chroniqueurs en cette fin d'émission. Ben oui. On se tasse un peu, on leur laisse la place parce qu'à un moment donné, c'est des personnes d'importance. Mm-hmm, hein? Faux. Comme Marie-Christine Perra, voici gratin et vin gratuit. Raisin en grappe, fromage brie, des galeries d'art, elle se nourrit d'art d'œuvre, de photographie, d'art visuel en préfluvie. Voici gratin et vin gratuit. Ah, salut Marie-Christine. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. C'est un bon lundi matin, contrairement, je crois, à vous qui êtes un peu sur le... Fatigué un peu. Sur le manque de café. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais ouais, la fin de semaine fut pénible. Ah, moi, ça a été un beau lundi... À l'heure, tout va bien ce matin. Tout pimpante. Ah, oui. On était à l'heure. Oui, on était à l'heure. C'est la fatigue là, qui... Le café va être bon après. Oui, et voilà. Ouais, ben vous devriez en prendre pendant, non? Ah, pas le droit en studio de boire, rien. Ah, OK, je savais. Tu sais, ben c'est bon, c'est ça. Moi, je bois jamais. Ben non, mais nous non plus. Donc, gratin et vin gratuit, on fait le tour des arts visuels, des places à visiter, là où il y a le gratin, des vedettes de Trois-Rivières, des personnes bien placées et des petites bouchées. Des petites bouchées et du vin gratuit. Eh oui. Pour la plupart des endroits où il y a vernissage, mais... Il y en a que, tu sais, ça se passe dans des bars, donc, tu sais, c'est formule 5 à 7, il faut acheter ses propres consommations. Ah ben là. Mais de toute façon, on va pas dans les vernissages pour ça. Ben non! Non. On va pas appeler cette chronique-là, cette chronique-là pour ça. Ben non. Mais oui, puis là, j'ai fait le tour, ma foi, d'énormément d'endroits dans les deux dernières semaines. Il y a eu beaucoup de vernissages. Je vous en avais parlé qui allait se passer, donc j'y étais au Café Frida, qui était le vernissage de l'artiste Mathilde, 5 mars. Puis je lui ai demandé, est-ce qu'on dit 5 mars ou 5 mars? Ouais. Puis elle a dit 5 mars. 5 mars, ouais. Fait que venant d'une 5 mars, ben... Ça a du sens. Sinon, écrivez-le ST Trait d'Union. Hein? Aussi. C'est ça. Aussi. C'est 5 CINQ. Fait que 5. Ou comme on dit dans le temps, CINQ. Oui, c'est vrai, parce ouais. que c'est le seul endroit au monde où le Q était prononcé que... C'est n'importe quoi. Mais en. Ah, Duplessis. Bon, ouais. Alors, ben voilà, donc c'était au Café Frida, qui est un endroit nouveau, là, puis qui est un peu cégepien, trendy, hein? Ouais, ouais. Cafétéria... Ils servent des toasts, c'est ça. Ah, bon. Ouais. Mais bon, je pense qu'il y en a qui vraiment, c'est comme vraiment hip-hop mode d'aller au Café Frida ces temps-ci. Fait que je suis allée voir quel gratin se promène dans cet endroit. Puis, ben, j'ai découvert, ils n'ont pas de permis d'alcool encore. Hein, ah, que, ils nous recevaient au thé puis au biscuit. Ouais, puis ils servent des tacos les lundis et mardis soirs. Ah, ben là, s'ils servent des tacos. Ça excuse écoute, tout. Oui, ah, tout oui. à fait, tout à fait. Fait que c'est ça, c'était tes biscottes, c'est bien correct, c'est des petits trucs. J'ai pas goûté, ça me tentait pas, je sais pas, non. C'est comme ça arrive des fois. Hein? Oui, oui, bon. Ben oui. Puis il y avait une limonade aussi, un peu trop concentrée, un peu trop sucrée, mais qui était faisait la job aussi, là. Les jeunes aiment ça sucré peut-être, hein? Ouais, c'est ça, c'est mais vrai que je vieillis, là. Okay. Ben on, tu sais, on vieillit. Tout le monde en même temps. Mm-hmm. Pas Tania. Non, oui, sauf je vieillis aussi. Ah oui. Ah, oui, j'ai besoin de café pour rester éveillé. Bon. Donc ça, puis je trouvais que c'était, tu sais, c'est disposé bizarrement, parce peut-être parce que aussi c'était des œuvres petites, donc c'était difficile de circuler puis de bien les voir, puis là il y avait du monde assez au table, fait que en tout cas j'ai trouvé ça particulier comme disposition à vernissage. Mais bon, c'était leur premier. Ben oui. Ils ne peuvent que s'améliorer. Ils ont déjà fait, ils ont fait leur premier show de musique avec Big Brave en collaboration avec C'est Fou, leur premier vernissage, ils vont s'habituer. Ben c'est ça exactement. Donc laissons la jeunesse s'épanouir. Donc, c'est ça, c'est des petits dessins qui sont faits par Mathilde Cinq-Mars, qui est une illustratrice de métier, qui... excuse-moi, Mathieu. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que la musique, je sais pas s'il faudrait que je baisse... T'agresse, hein? Je pense que c'est mieux de baisser ton volume, parce que sinon on l'entendra par plus. Par ici, comme nom. Ça? Ouais, c'est ça. Excusez-moi, hein? Derrière le rideau! Ouais, c'est ça, exactement, ça me déconcentre, on dirait. OK, donc, c'est ça, c'est une illustratrice de métier qui a fait des albums, qui a dessiné, bon, pour des albums... probablement jeunesse, là. Puis aussi qui a fait des... excusez-moi, là, mais Tu peux l'arrêter complètement, si tu veux, pour toi. Là. Non, je vais me mettre comme ça. Finalement, je disais que c'était un bon lundi, peut-être pas tant que ça. Donc, c'est ça, elle a fait aussi des illustrations de manuels scolaires. Ah, wow! Hein? C'est quand même amusant, hein? Il y en a encore des nouveaux qui sortent des manuels scolaires, j'ai l'impression qu'ils ben, oui, sûrement qui déjà que nous... Ben, ouais, mais ça fait longtemps que t'as pas été à l'école un primaire. Peu, ouais, peut-être. Mais tu sais, on avait déjà une représentativité particulière de la population, il y avait beaucoup d'handicapés, il y avait des noirs, tu sais, c'était important. Fait qu'aujourd'hui, je serais curieuse de voir, tu sais, quel est le... Ben, de nos jours, ils doivent tous porter des chandails avec des logos de compagnie parce que les livres de l'école doivent être commandités. C'est ça. Vrai, hein, peut-être. Monsanto! À place de genre, telle personne va cueillir des pissenlits, c'est telle c'est vrai, personne... Peut-être. Maïs. Mais peut-être, en tout cas, je serais bien curieuse de voir ça. Mais elle a une belle... ben, pas une plume, là, mais oui, un beaucoup de crayons. Vraiment, c'est des petits traits fins. Puis des fois, j'ai vu des petites notes de Chagall. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cet artiste-là. Chagall, Marc Chagall, qui a fait des grands tableaux très colorés, un peu à la cirque, enfantin un petit peu, avec des animaux. Puis c'est un monde un peu onirique, qui, un monde de rêve, tout ça. Donc, je voyais des pointes de Marc Chagall petit peu dans son travail. Donc, c'est comme une petite fleur que je lui envoie. Mmh. C'est ça. Il y a des petits pois dedans puis du poulet aussi. Ça, c'est la Chagall-Pout, je pense. Ah, la Chagall... Oui, ça pourrait, hein? La Chagall-Pout. Pourquoi pas? Proposons-le. Donc, ça, il y a... Donc, elle a cet univers-là un petit peu enfantin, un petit peu candide. Il y avait des personnages ballons, il y avait beaucoup d'animaux. Puis c'est tout des petits traits fins. Donc, je trouvais que ça reflétait une certaine naïveté aussi. Puis des couleurs pâles, des petits bleus, des petits roses. Mm. Puis comment elle travaille aussi, cette jeune fille-là, cette jeune femme-là, plutôt. C'est elle va prendre des photos dans les journaux, puis elle va mettre des images qui la touchent. Là. Puis là, elle va appliquer de l'acrylique blanche dessus. Donc là, elle va voir comme juste une forme un peu abstraite qui va émaner de cette couche blanche-là. Puis là, elle va retracer l'image, elle va retracer le dessin. Puis là, à partir de là, elle va superposer deux images. Mettons, un personnage couché avec l'image d'un poêle à bois. Donc là, le personnage va être couché sur le poêle à bois. Mm-hmm. Donc, elle va prendre deux images du quotidien, là, les transmuter un peu, puis les superposer. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui vont toucher la campagne, la nature, la vie en région, des trucs réconfortants, comme il y avait le classique pot maçon. Là. Tu sais, il y a trucs qui rappellent, c'est ça, la bouffe de maman, de grand-mère. Donc, puis pour elle, c'est important, là, cette... cette nature-là, c'est près de ses valeurs, puis la vie en région, puis tout ça. Donc, j'ai trouvé que c'était très bien, c'était très fin comme travail. Puis elle est représentée par Carré d'artistes, qui est une galerie mondiale, mais qui est basée un petit peu partout, là, qui a des points de vente, là, ou en tout cas, je sais pas trop comment l'expliquer, là. Puis c'est à New York, fait que c'est rien de moins. Fait que c'est quand même bien pour elle. C'est un beau coup de pouce, ça, pour cette jeune femme-là. Puis aussi, je sais pas si vous connaissez la série... X Factor ou X... Mm-hmm. Ouais, c'est un genre d'American Idol, genre non, America's non, Got Talent. C'est pas ça, c'est... X Factor, non? C'est pas X Factor d'abord, c'est un autre X quelque chose. Puis c'est sur l'espionnage pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une série de fiction qui est faite par la CBC en collaboration avec une... Non? Donc c'est pas X Factor. Je l'ai plus ici, mais c'est X... En tout cas, parce qu'elle pas a été... Pas X-Files. Là. Non. Okay. Écoute, je m'en souviens plus. Je vais chercher. Bon. Puis, elle a été approchée pour faire une scène en dessin d'animation. Tu parles de X-Company. X-Company, ça se peut bien. Oui. C'est ça que je parle. Fait que, donc, elle a été approchée pour faire une scène, finalement, dans cette série-là. Oh. Donc, elle est très, très en demande, très en vogue. Donc, c'est tant mieux pour elle. Une fille de la région, on ne peut que la féliciter. Ensuite de ça, je suis allée pour la première fois à un vernissage à l'Embuscade. OK. Par contre, j'ai pas pu rester bien, bien longtemps parce que j'étais avec mes enfants, puis c'est vraiment... ça fait vraiment bar. Tu sais, quand... ben c'est normal, c'est un café-bar, mais oui. Au Zénob, avec les enfants, on dirait que... je sais pas, ils vont dehors un peu, il y a quelque chose qui est plus accepté. Mais là, je sentais que j'avais pas ma place avec les enfants, fait que j'ai vraiment fait le tour rapidement, mais j'ai parlé avec l'artiste après. Puis je vais y retourner là, pour mieux voir, mais j'ai quand même pu observer rapidement. Donc, cet artiste-là, c'est Roman Dumas Kemp, qui signe Roman DK, là, parce que c'est trop long. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, c'est une étudiante en deuxième année au bac ici en art visuel, profil art plastique. C'est sa première exposition solo. Puis elle travaille surtout sur le dessin d'observation de corps. Donc, elle traite du corps humain, mais c'est souvent des personnages, c'est tout le temps des personnages sans visage. Donc, on a, tu sais, ce corps-là qui est démontré, évidemment, tu sais, mais en même temps, il y a comme l'envie de le cacher parce qu'on ne révèle pas l'identité totalement de la personne. Donc, je trouvais que c'était, tu sais, finalement, est-ce qu'on peut tout à fait se définir par notre corps? C'est peut-être ça qui... Puis elle est à la recherche vraiment de sa démarche, mais il y a peut-être de ça aussi. Tu sais, finalement, le corps, oui, c'est notre identité, mais on ne peut pas que se définir par lui. On a quand même une portion intérieure, n'est-ce pas? Mettons. C'est important quand même. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'est la première fois que j'étais venue ici, je vous avais parlé de Nancy Moffat, qui avait exposé à l'Ozena. Puis elle faisait beaucoup de corps très musculaires, mm-hmm. un peu bestiaux, tout ça. Puis c'était des corps aussi sans visage, puis on reconnaissait plus ou moins, c'était-tu un homme, une femme, des fois c'était les deux. Uh-huh. Puis elle faisait son corps au dessin, donc les traits des muscles, puis elle ajoutait une couleur, une tache de couleur, puis elle a le même procédé, Roman DK, donc elle va travailler le dessin, le corps, sans visage aussi, puis elle va aller ajouter une tache de couleur ensuite de peinture, puis elle va jouer avec la transparence de la peinture, puis ça fait vraiment un travail de couleur et de composition avec la peinture qu'elle va venir ajouter. Il y a encore des modes dans les arts visuels, on dirait, ces temps-ci, tu vois tout le temps des gens qui dessinent des cerfs qui coulent de couleur, des trucs comme ça. Tout le monde fait ça. Ça, on peut s'en parler une bonne fois sur tout ce qui est stéréotype d'art contemporain. Exact, ouais. Le panache, ouais. La moustache, ouais. Le rideau fleuri. C'est pour ça que la une du Zone Campus, là, vraiment, c'est presque une caricature. Le gars à moustache est en train de chanter en transe en mauve avec un rideau fleuri derrière. Tu sais, ça pourrait être une toile sérigraphiée mm-hmm. d'art oui. contemporain, là, tout c'est à fait. Hashtag, là, dans le présent, dans le moment présent. Vraiment, ouais. Vraiment, là. Tu sais, fait que ça, il y a plusieurs stéréotypes, les petits lapins, les paquets de choses. Puis en même temps, je peux peut-être plugger ça. Le 26 novembre, on va se revoir avant, mais okay. Je peux déjà l'annoncer. Le 26 novembre, c'est organisé par Loisirs, Culture, Tourisme. C'est les Nocturnes. Donc, c'est un événement artistique qui se passe de 7h à 10h au Musée de culture populaire. Et puis, j'ai été invitée à faire une performance artistique. Donc, je me suis mis avec une acolyte, Kim Lafontaine. Puis, on va présenter une performance satirique, ironique, absurde, qui reprend tous les stéréotypes comme ça de l'art contemporain. Wow! Oui, puis en même temps, on va offrir des petites bouchées gustatives parce qu'on sait que la gastronomie est très à l'honneur dans le monde contemporain. Donc, c'est ça. Bon, on n'est pas des gastronomes, mais quand même, on va mettre le goût du public à l'épreuve. C'est quoi qu'il faut servir dans les affaires? C'est pas les macarons, c'est quoi les petits, pas les cupcakes? C'est les cupcakes? Ben, les cupcakes, les macarons, les c'est macarons, vrai que ouais. Ça, c'est à mode. C'est quoi l'affaire, là? C'est comme un petit peu croustillant, etc., puis il y a de la crème dans le milieu. Macarons? Non. Ben là, ça. Je sais que je vais faire de la meringue. Est-ce que je suis là-dedans, moi? Peut-être, ouais, peut-être avec la meringue, je pense. En tout cas, ben, c'est ça. Fait qu'on on va aller se tremper un peu dans ce monde-là. Donc, t'as tout à fait raison de voir les panaches des goulinants de couleurs. Ouais. On est en plein dedans. Partout, partout, partout. Ouais, c'est ça. Ouais. On est vraiment dedans. La moustache aussi. C'est sûr que là, on est au mois de novembre, mais en général, l'homme porte la moustache de façon... Ironique, mais il y a quelque chose de très enfantin, je trouve, dans les objets utilisés en art contemporain ces temps-ci. Donc, ben voilà, donc cette fille-là, je trouve qu'il y avait des similitudes. Là, Romane Descas qui a des similitudes avec Nancy Moffatt, qui est une artiste aussi de la région. Donc, ben voilà, je te dirais, est-ce qu'on va en musique tout de suite? Oh, on peut. OK. Parce que j'avais sélectionné une chanson qui est... Je trouvais qu'il faisait un petit peu artisanat, enfantin. Je sais pas trop, ça me rappelait. On dirait que Mathilde 5 mars, elle aimerait ça, cette chanson-là. Je sais pas pourquoi. Tu l'as feeling même. Ouais, c'est ça, exactement. Je trouvais que ça collait bien avec l'univers de cette jeune femme qui a aussi fait l'affiche cette année du long week-end du cours. Mm-hmm. Donc, c'est elle. Je sais pas si vous avez l'affiche en tête, mais ça vous donne une idée du coup de crayon qu'elle a... Mathilde 5 mars. Tu me rappelles le titre? Je crois que ça s'appelle L'Ours, tout simplement. Oui. Puis c'est qui, je t'ai dit? Tricot machine. C'est ça. Donc, tu sais, ça fait filage un petit peu. Je trouve que ça va avec les traits de Mathilde 5 mars. Tout à fait. L'Ours, tricot machine, à Assemblage Rocky. J'ai sauvé la peau d'un petit ours. Puis son cœur, je l'ai pas volé. J'ai tué le chasseur avant qu'il shoote. L'ours m'a consolé. Tu es doux et juste un peu farouche. Mais je sais que je t'apprivoiserai. Tu as mordu dans mon cœur à pleine bouche et t'y es installé. Les années se suivent et nous rassemblent. Il y a toujours plus à partager. Dans la tanière qui abrite nos confidences, nous on a hiberné. Puis un jour c'est l'été, c'est dimanche, et les framboises poussent par milliers. J'ai taché de fruits rouges ma robe blanche, et je vais t'épouser. Les yeux fermés, mains dans la patte, on avance. Alors, c'était L'Ours de Tricot Machine. Donc, Mathilde 5 mars, si tu es à l'écoute, c'était pour toi. Puis, ben, je te conseille de dessiner à l'écoute de Tricot Machine. Il me semble que ça te va bien. Ça inspire bien. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, hey, j'ai fait le tour, je dis, des grandes places. Là, c'était deux cafés-bars. Ben non, le Frida, c'est pas un bar encore. Là, non, mais ça va jour, l'être. Ça va peut-être le devenir. Là. Est-ce qu'ils vont faire des drinks vraiment à mode, là, genre super trendy? Au lieu d'être un parapluie, ça pourrait être une moustache. Oui. Oui. Ça se voit, ça, dans certains bars à Montréal, déjà. Hein? C'est vrai? Bon, tu vois. Bon, fait qu'on est en plein dedans. Oui. Ben, c'est correct, tu sais, il n'y a pas... En fait, c'est ça. C'est peut-être une autre génération que la mienne. Fait que là, je l'observe différemment, je sais pas. Ceux qui ont nouvellement 19-20 ans, là, c'est, ouais, c'est ceux qui se trient. Ben, c'est bien correct. Ben, là, ouais. Ils ont bien le droit. Fait que c'est ça, j'ai été aussi... on passe à quelque chose de sérieux. Okay. Là. Ben, pas que les autres le sont, pas, mais quand même. Donc, c'était à la Galerie d'art du Parc, qui est sur la rue des Ursulines, mm-hmm. dans l'ancien manoir de Tonnancourt. Me semble comme ça que ça s'appelle. J'espère que je ne fais pas une... Oui, c'est exactement. Donc, c'est un lieu qui a beaucoup, beaucoup d'histoire, qui a été construit... tu sais, la baraque, elle doit dater de 1700 quelque, là. Tu sais, fait que c'est... Il y a de l'histoire dans cet endroit-là. Puis il y a un vieux grenier, bien évidemment, il est vieux, là. Il y a un grenier en haut aussi qui a tout un cachet, mais là, l'exposition se passait pas dans le grenier, mais des fois, il expose des choses dans le grenier, puis ça donne vraiment un rapport au lieu très particulier. Donc, le lieu puis l'œuvre peuvent dialoguer ensemble, ce qui est formidable. Si les murs pouvaient parler, comme on dit. Oui, qui nous en contraient des affaires. Fait que, donc, dans ce lieu très, très huppé et historique de Trois-Rivières sur la rue des Ursulines, la Galerie d'art du Parc expose, donc c'est un centre d'exposition en art contemporain et actuel. Donc, on peut découvrir des choses, des fois, qui demandent un œil un petit peu plus aguerri, puis une lecture, des fois, il faut aller plus loin dans la lecture. Comme là, il y a deux artistes qui étaient présentés, il y a Hélène Latulippe puis Nathalie van der Wecken. Puis sur une des deux, j'ai comme pas trouvé de signification. T'as essayé de mettre une signification. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on arrivera à y réfléchir ensemble, mais c'est ça. C'est Hélène Latulippe, c'est de l'abstraction géométrique. Fait que là, c'est un rapport à l'image, mais elle travaille la mémoire. Puis en tout cas, on y reviendra là, si on a le temps. Puis je vais vous parler d'abord de, pas Valérie, mais Nathalie van der Wecken, qui est une finissante de l'UQTR ici en art plastique en 2009, qui a gagné le prix Gilles Verville. Il donne toujours une bourse aux finissants. Donc, c'est elle qui avait remporté la première place en 2009. Donc, elle a travaillé beaucoup l'estampe, puis elle travaille aussi la couture, puis dans ses travaux. Et puis là, ben, ça l'a amené à observer le patron de couture là, sur lequel on se fie pour... Bon, nous autres, on fait plus ça, là, mais nos mères, peut-être nos grand-mères travaillaient avec le patron. Ça dit quoi, Tania? Elle dit ouais. Ouais, moi, ma grand-mère et ma mère, ils faisaient beaucoup, beaucoup de couture. Dans les costumes d'Halloween, là, t'avais ton patron. Oui, exactement. Ils faisaient leur propre patron aussi. Ah oui? Ah, ben là, on est... Ça n'a pas changé de nos jours, les gens qui font leur patron, hein? Chez Walmart, t'es niaiseux. Moi, je sais. Mais chez Walmart, dans le temps, tu pouvais trouver une panoplie de patrons. Là. Oh, maintenant, ben, il y avait aussi Fabricville. Oui. Ah, bon. Fabricville, c'est comme Ski Town. Mais c'était tous des trucs de couture puis de laine. Fabricville, j'y ai déjà été parce que j'avais des grandes tantes. Puis ma mère a déjà fait des costumes d'Halloween quand j'étais bien petite. Fait que j'ai déjà été au Fabricville chercher des patrons et des tissus. Bon, ça me ramène loin. Donc, elle a pris ces patrons-là qui sont du tissu, là. C'est comme si les formes sont préétablies. Là, t'as la forme du devant du chandail, t'as la forme des manches. Puis là, toi, tu découpes ton tissu avec ça. Puis après ça, il faut que tu l'assembles. Mm-hmm. Okay? Peut-être que toi, Mathieu, tu savais pas c'était quoi un patron. Pas exactement, mais là, tu me l'as très bien écrit. Tu peux varier un petit peu. C'est pas obligé de suivre exactement. Tu peux probablement faire des petites variantes. Probablement, mais quand c'est dans tes premières fois, je pense qu'il faut que tu suives à la lettre. Okay. Puis éventuellement, comme les ancêtres de Tania, on peut soi-même faire son patron. Mais là, il faut que tu sois rendu... dans une autre étape. Mais comme si toi, tu voulais te faire un jeans, là, tu vas te chercher un patron de jeans, tu aurais, mettons, la face devant du jeans, la face derrière du jeans, probablement la forme des poches. Tu fais tout ça dans des tissus différents, puis là, tu assembles ça. T'es comme un travailleur autonome, t'es ton propre boss, ton propre patron. Ouais. Exactement. Puis là, il y a des petites lignes sur les côtés, c'est là que tu vas mettre les joints, finalement, des deux côtés de tissu. Ouais. Donc, il faut que tu respectes les grandeurs. Là, mettons, il faut que tu laisses un centimètre parce que c'est là qu'il va avoir la couture pour assembler, comme il y a assemblage requis avec un patron. Wow. T'es aussi drôle que moi. mais merci. Je sais pas si c'est un compliment. Oui, c'est un compliment. OK, parfait. Donc, c'est ça. Elle a pris ces patrons-là, faits de tissu, puis elle les a transformés, elle les a assemblés différemment. Donc, ça donne des formes un peu abstraites. Ça donne des sculptures un peu bizarroïdes qui sont affichées sur les murs. Donc, c'est un... Ce sont des œuvres quasi abstraites qui utilisent comme médium le patron. Donc, au lieu d'utiliser le patron pour créer ta pièce de vêtement, bien, elle utilise le patron qui est comme la matrice là, la matrice de ton vêtement, puis elle utilise cette matrice-là pour en faire l'œuvre. Mm-hmm. Donc, déjà là, il y a une hybridation ou une transformation du médium en partant. Donc, elle affiche ça sur les murs. Ça donne des trucs un peu abstraits. Puis ça présente une déconstruction du vêtement. Donc, une espèce de permutation de la mode, une abolition des conventions de l'apparence vestimentaire. Vous voyez, donc ça, c'est ce que j'ai pu en lire de cette œuvre. Donc, c'est pour ça que je dis que des fois, quand on va voir l'art actuel, l'art contemporain, ben il faut aller chercher plus loin que juste « tu beau, tu pas beau, mm-hmm. j'aime-tu ça, j'aime-tu pas ça? » Donc, c'est essayer d'aller voir la démarche qu'il y a derrière. Il y en a certains qui pourraient être en désaccord avec ça, de dire « ben si tu as besoin d'écrire sur ton œuvre, puis c'est ça qui fait que ton œuvre, elle a du sens. ouais. » Bon, il y en a qui sont peut-être moins en accord avec ça, mais bon, l'art se modifie puis reflète la société. Donc, on est ce genre de société-là peut-être à vouloir justifier son apparence. Ouais, c'est ça que j'ai envie de dire, à vouloir toujours justifier. Quoi. Mm-hmm. Ouais, c'est nous autres le problème, finalement. Ben, c'est pas nécessairement un problème, mais vraiment, le monde des arts, ça reflète la société dans laquelle on vit, donc... Mais justement, tantôt, t'as mentionné le mot contemporain et le mot actuel. Est-ce qu'il y a une différence entre de l'art contemporain, qui veut dire dans le présent, et actuel, qui veut dire ouais, dans le présent aussi? Ben, je te dirais, il faudrait que je fouille vraiment la différence, là, mais comme ça, là, moi, je te dirais, l'art contemporain, c'est vraiment... Je pense que c'est une espèce de mouvement où quand c'est contemporain, effectivement, c'est que c'est actuel finalement. Puis là, ça serait plus l'art actuel, hein. Ouais, l'art actuel qui serait. Finalement, je sais pas, je peux pas me lancer, mais ça a l'air t'as proche, raison. Ouais, c'est ouais. Ça exactement, mais il y a sûrement une différence. Ouais, sinon, nuance, il mettrait pas les ouais. deux. Donc, je vais fouiller ça, cette nuance-là. Je vais te revenir avec ça. C'est bien fait. Ben oui, certainement, c'est très intéressant d'ailleurs comme questionnement. Donc, c'est ça. Donc, ça demeure quand même intéressant, l'exposition. Puis l'œuvre la plus forte, moi, il y a deux camisoles de force en tissu de patron, là, donc en espèce de papier... quasiment de soie. Oui, c'est vrai, exactement. Donc, il y a comme deux camisoles de force qui ont été construites en papier de patron, puis sont surélevées, puis là, les deux sont reliées, donc ça fait particulier comme image, puis en même temps, c'est comme si ça nous rappelle que tout est conçu, tout est réfléchi, même les objets pour lesquels on n'aime pas mm-hmm. se servir. Mm-hmm. C'est comme les camisoles de force, ben, tu sais, quand tu portes ça, c'est parce que ça va pas bien. Ou non. Si t'as quelqu'un que tu connais qui a une camisole de force, parce que, bon, ça va pas bien. Ou il est peut-être bébé kinky. Bon, ça peut arriver. Oui, c'est ça. Effectivement, mais là, en tout cas, on aime mieux peut-être pas le savoir, là. Mais... Donc, tout est conçu, même la camisole de force. Donc, il y a quelqu'un chez lui qui a été engagé pour dessiner ouais. la camisole, pour en faire un patron, puis ensuite de ça, le faire en ben multiple. C'est ça, dans le fond, elle trouve les patrons qui existent déjà. C'est pas elle qui a créé un patron de camisole de force. Bien, là, la camisole de force, là, je te dirais que je suis pas certaine que c'est vraiment des patrons. Je pense qu'elle a juste repris le matériau oui. papier pour mm-hmm. construire les camisoles de force. Mm. Bien, qui suggère la camisole de force. Là. C'est pas nécessairement ça, mais ça suggère vraiment la camisole de force. Puis sinon, il y a vraiment des patrons qui ont été pris, là, tels quels, puis qu'elle va les modifier. Donc, ça donne aussi des espèces de... presque des corps abstraits, parce que les manches sont pas à bonne place, donc ça fait une espèce de corps qui n'existe pas. Ça va être où elle prend vraiment les patrons qui existent. Mais les camisoles de force, je ne pourrais pas dire que c'est vraiment des patrons de camisoles de force. Je pense que c'est plus une suggestion, puis c'est une sculpture qu'elle a fait qui rappelle ça. Mais moi, ce que ça m'a évoqué, c'est vraiment bien, tout est conçu, tout est réfléchi, même ce qu'on n'aime pas, finalement. Ouais. Donc, je trouvais ça donnait un bel aspect aussi à son exposition. Ben, je pense que pour elle, on a pas mal fait le tour. C'est jusqu'au 13 décembre à la Galerie d'art du Parc. Donc, c'était vraiment le vernissage, c'était hier. Donc, vous avez en masse de temps pour aller faire un tour. Des fois, c'est de rentrer, observer. Ça se peut qu'au premier coup d'œil, là, on dit « Ouais, là, c'est ça, l'art contemporain, l'art actuel, là, ouh, tu sais, c'est pas toujours accessible. » Mais c'est d'y aller une fois de temps en temps, juste aller voir qu'est-ce qui se fait. Puis ça prend 2 minutes de faire le tour. T'es pas obligé de t'arrêter devant chaque tableau puis de réfléchir sur chaque chose. Mais quand même, je trouve que c'est bien d'aller voir ce qui se fait parce que c'est une portion, c'est une sphère de la société qui nous concerne finalement. Donc là, j'ai pas beaucoup de temps pour parler d'Hélène Latulippe, là, mais je vais y aller très, très rapidement. Donc, elle a fait de l'abstraction géométrique, c'est-à-dire que ben il y a aucune figuration. Donc, on peut pas dire « Hey, c'est un personnage » ou « Hey, c'est un paysage », c'est des lignes. des lignes qui, par contre, c'est ça le défi aussi de l'abstraction géométrique souvent, c'est d'aller chercher une vibrance. Donc, si tu te trouves devant sa toile, ben, les lignes bougent un peu. Donc, tu sais, il y a ça qui est en interaction avec le public. Bon, je sais pas si ça a encore sa place. Visiblement, oui, mais en tout cas, moi, je questionne un petit peu tout ça. Elle fait comme son travail, finalement, c'est sur des rectangles de papier craft, là, donc des papiers comme bruns, qui servent des fois d'emballage. Mm-hmm. Donc, c'est ça, du papier craft, ça ressemble pas mal à ça. Puis, elle prend un tapis d'entrée, mettons, en tissu, là, que tu prends chez Canadian Tire. Écrit « Welcome » dessus, là? Ben, non, qui serait plutôt gris avec des petites veinures, là, des... Okay, oui, pas des veinures, là, bottes, mais... mettons. Ouais, c'est ça, tu t'essuies, là, mm-hmm, tes bottes, là. Puis là, elle vire de bord, puis il y a comme des lattes de plastique, ouais, là, tu sais, une dessus, une en bas. Ouais, ouais, c'est ça, puis il y en a une profonde, il y en a une pas profonde, là, comme ouais, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Mm-hmm. C'est ça, je vous le mime en même temps, là, fait qu'on ouais, comprend, mais... Caméra 3. Ouais, c'est ça. Donc, elle prend ça, puis elle va aller mettre de l'encre à certains endroits, puis elle va aller mettre son papier craft, puis avec une cuillère, elle va peser... Mmh. Où elle a mis de l'encre, donc c'est ça qui va servir de matrice, c'est ça qui va servir pour faire son impression. Donc, c'est pas des lignes qu'elle dessine, qu'elle grave, c'est vraiment, elle utilise un matériau existant, donc le tapis de maison, puis là, avec une cuillère, elle va aller faire ses impressions. Okay. Bon, fait que là, il y a une démarche dans son geste aussi qui veut dire quelque chose probablement. Il y a l'utilisation de ce matériau qu'on piétine, ce matériau qui très, très anodin dans notre vie. Il y a sûrement un rapport avec ça. Puis elle travaille beaucoup la fabulation, la distorsion du souvenir, la mémoire, la répétition du geste. Fait que là, il y a quelque chose, il y a une lecture que je ne suis pas arrivée à faire là, dans ses œuvres. Mm-hmm. Mais bon, je vous laisse. Toi, tu es de l'avis que c'est nécessaire, qu'il y a absolument une raison? Parce qu'on dirait que c'est juste genre, elle a vu ça puis elle a dit, ah, ça serait cute, ça. Ouais, ben des fois, ça peut être juste ça aussi. Ouais. Mais je pense que les artistes souvent essaient d'aller, en art actuel du moins, ça serait pas ça, essaient beaucoup d'aller parfaire leur démarche puis aller expliquer pourquoi ils font ce qu'ils font finalement. Puis c'est une fille qui a étudié à l'université à Concordia puis tout ça, donc elle a réfléchi, elle a fait beaucoup de lectures, donc c'est ça, on arrive à intellectualiser l'art. Est-ce que c'est toujours nécessaire? Probablement pas, mais c'est ce qui se passe. Donc, puis aussi, elle fait des sculptures avec des bâtons de billard, là, des crosses de billard, avec des espèces d'entonnoirs emballés de papier de soie au-dessus. Fait que j'ai pas compris c'était quoi, mais c'est sûr qu'elle était là, Hélène La Tulipe, mais souvent, pendant un vernissage, les artistes sont en demande. Ouais. J'y ai pas parlé. Elle aurait pu m'expliquer peut-être ce qui en était, tout ça. Moi, j'ai observé rapidement, puis c'est ça, j'ai pas trouvé de signification à tout ça. Donc, ce sera à y réfléchir. Si vous voulez y réfléchir aussi, vous pouvez le faire. Ben oui, allez voir. Puis c'est ça, on peut... Donc, en tout cas, tout ça, c'est jusqu'au... j'ai dit 13 décembre à la Galerie d'art du Parc sur la rue des Ursulines, qui est un très bel endroit d'ailleurs. Puis, en terminant, il y a un dévernissage jeudi à la Galerie R3. Un dévernissage, pourquoi, c'est vous me quoi, direz? Ouais. C'est parce que c'est un artiste en résidence. Donc, il travaille, il crée, lui, depuis... je sais pas, mettons que ça fait deux semaines qu'il est là. Je sais pas du tout depuis combien de temps il est là. Donc, il ne fait que de la création, puis il arrive au bout de sa création. Puis là, c'est exposé... là, pour une journée, puis après ça, vendredi, c'est démonté, ça n'existe plus. Oh, wow! Bon, c'est très éphémère, mais bon, ça a l'air que c'est ce concept-là. On m'a dit ça hier, justement, il y avait quelqu'un, membre du gratin trifluvien des arts, qui m'a expliqué ça, là. C'était elle qui servait le vin, d'ailleurs, puis elle me dit, oui, il y a un dévernissage. Puis le dévernissage, là, c'est peut-être quelque chose de satirique, tu sais, là, non, c'est parce qu'il est en résidence, puis il construit au fur et à mesure, il nous présente ce qu'il a fait, puis après ça, il s'en va. Bon, pourquoi pas? Ah bon? Hein? Fait que si c'est vous voulez, investir jeudi, son temps. C'est, c'est ça, à la bonne place. À bonne place. Ça, c'est pointu et précis. Donc, jeudi, ça doit être formule 5 à 7. Des fois, ça commence à 4, là, mais si vous êtes là, vous allez pouvoir assister à un dévernissage. Après à job. Après à job, après un cours, ou dans la pause d'un cours. Puis, la galerie R3, ils savent recevoir leur monde. Intéressant. Il y a de la boucifère, il y a du vin blanc, vin rouge, il y a trois sortes de blanc, trois sortes de rouge. Oh. Il y a deux, trois sortes de jus, de l'eau pétillante, de l'eau plate, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'humus. Ah ouais, t'es cœur, hein? De l'humus. Moi, des fois, je vais avec mes filles, puis on soupe, là. Wow! Oh. Crime. Ça m'est déjà arrivé. C'est comme la chanteuse, là, l'humus du faux. L'humus du faux. Mais ça m'est déjà arrivé de faire souper mes enfants dans un vernissage. Oui, j'ai déjà fait ça. Oui. Mm-hmm. Colin, puis c'est gratuit. Merci, Marie-Christine Perra. Ça me fait plaisir. On te retrouve toujours dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Puis je vais être de retour de Las Vegas. Oh boy. J'arrive dimanche soir très tard. Fait que je risque d'être quand même assez fatigué, puis ouais. Peut-être je vous parlerai de ce que j'ai vu là-bas, on sait pas. Ah, de l'art visuel. Est-ce que ça tombe le même mardi que moi, que tu t'en vas à Las Vegas? Dans 2 semaines, on va être le 24 novembre. Ouais, oui, exactement, c'est la même fin de semaine. Peut-être que vous allez Las Vegas? Oui. Pour vrai? Ouais. C'est donc bien drôle, c'est drôle, ça. C'est donc bien rigolo. Mais Tania sera pas là ce lundi-là. Ouais, moi je reviens le mardi. OK, c'est ça. Moi j'arrive dimanche soir... Ben, quand ben, c'est dans mes droits. On s'en passe des choses dans hey, là, on ferme les micros puis on va jaser. On jacasse. Merci, Marie-Christine. Ça fait plaisir. Les lundis à 9h aux 2 semaines à Saint-Vergeric. Nous, ça va être la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. David Ferron, merci beaucoup. Mm-hmm. Avec sa chronique La carte beachée, encore une fois, Marie-Christine Perra. Et gratin et vin gratuit. Demain, à l'émission, on va être mardi. Et le mardi, ben, il s'en passe aussi des choses. Le Gabriel Béaud. Oh, malheureusement, non, Gabriel Béaud ne sera pas là. Oh non! À l'émission demain, on me l'a confirmé tout à l'heure. Par contre, on a quelque chose de spécial qui se trame pour 9h demain. Oh! On vous dit pas ce que c'est, c'est pas une surprise, encore. Mais c'est demain à 9h. C'est pas mal tout ce qu'on a de vraiment précis. Le reste, on verra. Sinon, restez sur nos ondes. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite de ça, à 13h, la nouvelle émission Les Délirantes. À 14h, la rediffusion de Rock Classique. À 19h, le voyage infinite. Et à 20h, Rock de Neurones. CIF.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. On va se quitter. Comme ça. Comme ça. Tania, juste comme ça. Ah ouais, juste comme ça? Ouais, en 20 secondes à peu près, genre. Ah ouais? Je pense une belle journée. Muffin, c'est oui, bon? Muffin. Surtout café, s'il te plaît. Café et muffin. On n'a pas d'autre boostify. On se quitte pas avec une petite pièce musicale? Il est comme rendu à 32. Ouais, genre. T'as raison. Enfin, OK. Hey, à demain. À demain. Bye.